on est... Quelle heure, toi? Moi, j'en ai 5. Ah, t'as 5? Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, d'accord. Bon, c'est moi qui... Quoi, moi, j'ai moins de 10. Alors, on est vraiment à l'avance. Attends, encore... Bon, on va commencer. Merci à Christian. J'avais assisté à la première séance du séminaire. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est dit depuis. Moi, je vais proposer donc des remarques assez générales sur la manière dont on peut tenter d'associer ou d'articuler ces deux concepts, reconnaissance et domination, et puis essayer de penser donc la place de la reconnaissance dans la domination ou la manière dont les rapports de domination conditionnent, structurent, déforment des relations de reconnaissance. Alors, en guise d'introduction, je commencerai par remarquer que le débat sur le rapport de la reconnaissance et de la domination met aux prises deux positions qui semblent incompatibles, hein, qui sont en apparence incompatibles, qui sont en apparence inconciliables. L'une faisant de la reconnaissance l'un des principaux ressorts de la domination, hein, c'est la position qu'on peut attribuer à Bourdieu, l'autre faisant au contraire des attentes de reconnaissance un levier possible de résistance et de critique de la domination. Hein, c'est une position qu'on peut attribuer aux théories de la reconnaissance qui s'inspire d'Axel Honneth. Alors, lorsque les sociologues et les philosophes s'engagent dans le débat, hein, qui est polarisé par ces deux positions, il me semble qu'ils s'orientent généralement vers des débats qui sont très généraux, hein, et qui relèvent de deux types de théorisation ou de types de débat structuré, hein, d'une part l'ontologie sociale et d'autre part ce qu'on pourrait appeler la théorie de la subjectivation. D'une part, en effet, on se demande si le monde social est intégralement régi par des rapports de domination, hein, et si les attentes de reconnaissance pourraient faire autre chose que les reproduire, ces rapports de domination, ou les déplacer au mieux. Et d'autre part, eh bien, on s'interroge sur la possibilité de penser un sujet en attente de reconnaissance, autrement que comme un sujet assujetti à des normes dominantes. De sorte que, eh bien, ces attentes de reconnaissance seraient des attentes de confirmation de son propre assujettissement. Alors, les tenants de la théorie de la reconnaissance, hein, lorsqu'ils s'engagent dans ce débat, sont alors conduits à défendre deux thèses qui restent, elles aussi, tout à fait générales. Premièrement, hein, la thèse suivant laquelle tout n'est pas domination dans le monde social. Et deuxièmement, la thèse suivant laquelle le processus de subjectivation morale, sociale et morale, ne se réduit pas à un assujettissement. Alors, les limites de ce débat sont évidentes. Hein, elles sont trois grandes limites au moins. Tout d'abord, on peut remarquer et déplorer le haut degré d'abstraction, hein, de la discussion, qui se contente de confronter des thèses philosophiques tout à fait générales sur la nature du social, la nature de la subjectivation. Deuxième limite, eh bien, dans ce débat, on s'interroge généralement très peu sur le sens qu'il conviendrait de donner au concept de domination, sur les différents sens possibles que ce concept peut recevoir et sur la possibilité de les articuler les uns aux autres. Et troisième limite, eh bien, dans ce débat, on s'interroge tout aussi peu sur les différents rapports qu'entretiennent effectivement dans le monde social des phénomènes de domination ou des processus de domination et des relations de reconnaissance. Alors, c'est précisément ce genre d'interrogations, hein, dont il me semble qu'elles sont absentes de la discussion, pas assez prises en compte dans la discussion. C'est précisément donc ce genre d'interrogations que je voudrais développer dans ce qui suit, en cherchant à poser donc le débat non plus, hein, sur le terrain de l'ontologie sociale ou de la théorie du processus de subjectivation, mais sur le terrain de la théorie sociale. Alors, dans un premier temps, je vais chercher à préciser le sens du concept de domination, pour rendre compte, pour analyser, hein, dans un deuxième temps, différents types de rapports possibles entre domination et reconnaissance. Mon propos sera donc, dans un premier temps, définitionnel, et dans un deuxième temps, typologique. Hein, il s'agira d'établir, de distinguer quatre types de rapports possibles de la domination et de la reconnaissance. Mais cette entreprise définitionnelle et typologique, hein, n'a pas pour fin de discuter de définition et d'établir des typologies, hein, elle a pour fin d'appréhender les différents rapports qui se nouent au sein du monde social, effectivement, hein, entre domination et reconnaissance, donc en déplaçant le débat sur le terrain de la théorie sociale. Essayant donc de lutter contre le caractère qui me semble sous-complexe, hein, comme maladie congénitale de la philosophie, la sous-complexité eh bien, de la discussion sur le rapport de la reconnaissance et de la domination. Donc tout d'abord, la domination. Je vais essayer de préciser un peu ce qu'on peut entendre par là, proposer, disons, une tentative de clarification conceptuelle. Si il peut être utile donc de commencer par là, hein, c'est donc commencer par essayer de donner un contenu aussi précis que possible à ce concept. C'est d'une part parce que, comme j'ai déjà remarqué, il fait rarement l'objet de traitements théoriques dans les débats contemporains, hein, qu'il s'agisse de débats entre philosophes ou entre sociologues ou entre les uns et les autres. Et c'est d'autre part parce que il faut préalablement eh bien, clarifier ce que peut être, ce qu'on peut entendre par domination pour se mettre en quête dans un deuxième temps, hein, d'une identification, pour chercher à identifier dans un deuxième temps différentes formes et différents processus, hein, de domination à l'œuvre dans le monde social. Donc j'ai déjà mentionné le fait qu'il fait rarement, que ce concept fait rarement l'objet d'un traitement théorique. Et le fait est qu'en France, hein, la discussion sociologique sur la domination a été forte ces 30 dernières années. Elle a été polarisée par la polémique contre Bourdieu, et notamment donc, telle qu'elle a été développée par l'auteur comme Boltanski ou Latour. Mais il est frappant que dans ces polémiques, le rejet de la théorie bourdieusienne de la domination s'accompagne, qui est une théorie particulière de la domination, s'accompagne d'un rejet en bloc de la catégorie de domination. Rejet du concept de domination en général, ce qui peut sembler surprenant parce que d'une part, eh bien, il peut sembler légitime de distinguer la théorie de quelque chose du concept de cette chose, et puis d'autre part, eh bien, c'est surprenant parce que ce concept, le concept de domination, est compté depuis Weber au moins, hein, parmi les catégories fondamentales de la sociologie. En philosophie, la situation n'est pas meilleure, me semble-t-il, puisque le seul auteur contemporain à avoir donné à la domination un rôle central est Philippe Petit, hein, dans sa théorie de la démocratie comme dispositif de non-domination. Mais sa définition de la domination est modelée sur un concept de domination politique, même si elle ne se réduit pas à cela, hein, elle est modelée sur la critique républicaine de la tyrannie. Et il me semble que de ce fait, pour cette raison, hein, elle est à la fois trop étroite et sociologiquement naïve. Hein, je crois qu'on peut dire qu'elle est sociologiquement naïve dans certains de ses traits au moins, en référence au postulat suivant lequel la domination est toujours publique, est toujours visible, ce qui est difficile à admettre, me semble-t-il. Si l'on prend une définition large, hein, de la domination, et si on la pense plus à partir de la domination tyrannique, certes, les actes du tyran sont visibles et publiquement susceptibles d'être dénoncés du fait de leur visibilité, mais ce n'est pas le cas de toutes les formes de domination, si on entend par domination, donc si on pense à domination non plus à partir d'un concept de domination politique, mais à partir d'un concept de domination sociale. Alors, donc, c'est vers ce conception de la domination sociale, donc je me tourne maintenant pour essayer de déterminer comment il est possible donc de définir la domination lorsqu'elle est considérée comme eh bien, une relation sociale ou un rapport social qui se noue entre individus, hein, ou entre groupes. Et la difficulté qu'on rencontre immédiatement quand on s'engage dans cette entreprise définitionnelle de la domination entendue en ce sens, c'est que eh bien, on est confronté à la divergence, hein, semble-t-il, de nouveau irréductible, de deux grandes approches de la domination, deux grandes approches de la domination sociale. Et bon, quand un concept est pris en deux sens différents, eh bien, on peut soit dire qu'il s'agit de deux conceptions, soit que le concept est amphibologique et que son contenu spécifique est difficilement identifiable, bref, que c'est un concept mal formé. Ou alors, eh bien, on peut essayer d'articuler ces deux conceptions. Il me semble que c'est possible et c'est ce que j'ai suggéré, mais sans développer trop cette question. Donc, ces deux approches qui semblent incompatibles, ou divergentes au moins, eh bien, consistent d'une part à définir la domination à partir de l'interaction sociale. Hein, première approche, micro, on peut dire. Hein, c'est le cas chez Weber, qui définit la domination par la capacité qu'ont certains partenaires d'interaction de se faire obéir en vertu de la docilité d'autres partenaires. Je vais revenir sur les définitions weberiennes tout à l'heure. C'est le cas encore chez Foucault, qui dans ses derniers textes, par exemple l'éthique du souci de soi comme pratique de liberté, définit la domination comme une stabilisation des rapports de pouvoir entre individus. Dans l'édition de 94, page 710, par exemple, on trouve la définition des états de domination comme des situations dans lesquelles, je cite, « les rapports de pouvoir, au lieu d'être mobiles et de permettre aux différents partenaires une stratégie qui les modifie, se trouvent bloqués et figés ». Alors, il y a une deuxième manière de définir la domination qui consiste au contraire à partir donc non plus du niveau des interactions, du niveau micro, mais du rapport entre groupes sociaux ou d'un niveau macro, et plus précisément du fait que certains groupes sont parvenus à modeler les institutions et les hiérarchies symboliques conformément à leurs intérêts. C'est sur ce modèle que des auteurs comme Marx et Bourdieu, ainsi que différents courants féministes, pensent la domination. Et dans ce cas, la domination est pensée non plus simplement comme une relation sociale stabilisée dans les interactions, mais comme un rapport social qui assujettit les individus à des positions dans l'espace social. Ces deux définitions sont en apparence divergentes, comme j'ai cherché à le souligner, mais elles peuvent être combinées de différentes manières, ne serait-ce que parce que on peut constater que, il me semble que les objectifs des théories de la domination comme rapport social, donc les théories de la domination qui entendent la domination au second sens, ces théories donc ont pour objectif d'expliquer les interactions sociales marquées par la domination. Ces deux conceptions ne sont pas totalement indépendantes donc l'une de l'autre. Ces deux approches ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Donc c'est ce qui justifie hein, que l'on cherche à les articuler. Et pas simplement qu'on les considère comme deux approches totalement hétérogènes. Bon, expliquer des interactions sociales marquées par la domination du point de vue d'une théorie des rapports sociaux de domination, c'est ce que l'on trouve chez Marx. Hein. Il s'agit bien d'expliquer notamment pourquoi l'ouvrier se soumet à la discipline de fabrique et pourquoi il peut vouloir y résister. Hein, son expérience de la discipline de fabrique et de la subordination liée au contrat de travail, c'est-à-dire la nécessité dans laquelle il y a d'obéir, hein, donc domination au sens de Weber, renvoie à des rapports sociaux de domination plus généraux et en mettant en jeu son obéissance, il peut aussi en venir à mettre en jeu ses objectifs généraux, c'est la stratégie politique de Marx. Chez Bourdieu, de même, on pourrait remarquer, du moins dans par exemple en se référant à sa théorie de la domination masculine, qu'il s'agit bien d'expliquer la nature des interactions particulières entre hommes et femmes, hein, et la manière dont les hommes et les femmes ils font ce qu'il appelle lui-même l'expérience de la domination. Hein, dans la domination masculine, on lit la phrase suivante, hein, la théorie matérialiste de l'économie des biens symboliques vise à faire sa place dans la théorie à l'objectivité de l'expérience subjective des relations de domination. Expliquer les interactions de domination, l'expérience des partenaires d'interaction de ces relations de domination, c'est bien l'un des objectifs explicites de Bourdieu. Alors, une manière d'articuler les deux approches consiste à dire que la première part d'un concept, donc l'approche micro, part d'un concept descriptif de la domination. Hein, il y a domination des qu'un rapport de pouvoir s'est stabilisé, ou dès qu'une relation d'ordre et de docilité s'est constituée, hein, alors que la seconde approche fait du concept de domination un concept explicatif. Le concept de rapport social de domination, en effet, pour objectif, notamment, hein, d'expliquer aussi bien la stabilisation des rapports de pouvoir au niveau micro, hein, ou de l'obéissance, que d'autre part, la production et la reproduction d'inégalités structurelles au niveau macro. Et pour une part, il a bien pour objectif d'étudier si quelque chose qui se joue au niveau micro. Alors, étant donné que les rapports de reconnaissance renvoient aux interactions, hein, plutôt qu'aux inégalités structurelles, je vais donc maintenant repartir de l'approche weberienne, donc de l'approche micro de la domination, tout en cherchant à montrer qu'on peut compléter les explications weberiennes de la domination par d'autres explications qui renvoient une théorie des rapports sociaux, et c'est sur cette base que dans un deuxième temps, j'en viendrai à la question de la reconnaissance. Donc je repars du tome 1 d'économie et société, tome 1 qui est intitulé « Les catégories et la sociologie », et dans lequel le concept de domination fait l'objet d'une double thématisation, tout d'abord au chapitre 1, paragraphe 16, « Puissance, domination, Macht, Herrschaft », et ensuite au chapitre 3, section 1, les fondements de la légitimité, premier paragraphe, définition, conditions des modes de domination. Et ensuite, deuxième paragraphe, les types de domination légitime. Bon, dans ces textes qui sont connus, Deux points méritent d'être soulignés, me semble-t-il. D'une part, cette définition de la domination à laquelle je me suis déjà référé par la probabilité d'être obéi, et d'autre part, une analyse des facteurs de l'obéissance. La théorie des facteurs de domination, passant par une théorie des facteurs de l'obéissance, du fait même de la définition de la domination comme probabilité d'être obéi. Forte probabilité. Chance, en allemand. Donc la définition de la domination part d'une opposition de la puissance et de la domination. Herrschaft, Macht. Ce qu'il entend par puissance ici, c'est ce qu'on pourrait appeler également pouvoir. Hein, et donc en fait, la définition foucaulienne à laquelle je me suis référé, instabilisation d'un rapport de pouvoir, elle est tout à fait weberienne en définitive, puisque Weber explique que le concept de puissance est sociologiquement amorphe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et que donc on ne peut pas en faire un usage sociologique. Il faut donc la seule question qui importe d'un point de vue sociologique, c'est la question donc de la domination. Pourquoi est-il sociologiquement amorphe? Parce que précisément, hein, on peut transformer cette thèse de façon foucaulienne, les rapports de pouvoir peuvent toujours être réversibles, contrairement donc à ces relations de domination qui sont des rapports de pouvoir stabilisés. Donc, la puissance, hein, au sens de Weber ici, c'est simplement la capacité de faire triompher sa propre volonté, hein, ou en termes foucauldiens, d'agir sur une autre action. Or, il existe tellement de manières de faire triompher une volonté que nous avons là un concept sociologiquement amorphe. Il ne désigne aucune forme de relation sociale spécifique, au sens où il n'est caractérisé par aucune régularité, hein, sociale. Le concept de domination, quant à lui, désigne quelque chose de spécifique, quelque chose qui peut faire l'objet d'une thématisation sociologique. Il s'agit donc d'une certaine relation de pouvoir, hein, de puissance, une relation qui fait intervenir un ordre, un commandement, et cette relation se caractérise par la stabilité qui renvoie au fait à la constitution d'une docilité, hein, rendant la possibilité à cet ordre d'être structurellement obéi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on veut parler de domination dès qu'une relation sociale entre des individus ou au sein d'un groupe, hein, au sein de ces groupes qui sont désignés par Weber comme des groupements de domination, dès que donc une relation sociale est structurée par une disposition à obéir, par une docilité, hein, qui est fondée sur une disposition acquise. Disposition, hein, c'est l'un des concepts essentiels de cette définition, on pourra revenir si vous voulez tout à l'heure. Alors, en parlant de la docilité, j'en viens donc maintenant au facteur, hein, de la domination, après cette définition. En parlant de la docilité comme une disposition acquise, Weber semble fonder l'obéissance sur l'habitude. Et effectivement, hein, c'est l'un des déterminants de la constitution de la domination, d'après lui. Mais Weber ajoute que la docilité suppose quelque chose de plus, un minimum de volonté d'obéir, c'était une citation, un minimum de volonté d'obéir. Et cette volonté minimale d'obéir, elle suppose elle-même deux choses différentes, ou elle peut s'expliquer, hein, par deux types de facteurs, sur les deux autres explications, donc en plus de l'habitude de la domination chez Weber. D'une part, un intérêt. Cet intérêt lui-même, eh bien, il peut être de différents types, il peut être matériel ou affectif ou bien moral. Hein, on peut obéir pour satisfaire des besoins matériels, hein, parce que, eh bien, c'est le seul moyen d'obtenir un salaire, par exemple. On peut obéir pour des raisons affectives, hein, on peut obéir à son compagnon ou à sa compagne par amour, ou à ses parents. Et on peut également obéir pour des intérêts moraux ou religieux. On peut obéir au prêtre pour conserver ses chances de salut. À côté de cette explication par l'intérêt, on trouve un autre élément, l'élément le plus célèbre de tous ces passages, c'est l'explication par la légitimation, hein, troisième facteur. Une domination, donc, présuppose, au sens où elle présuppose un minimum de volonté d'obéir, elle présuppose également, d'après Weber, une démonstration de la légitimité. Et de la domination, il me semble que cela signifie deux choses. D'une part, une légitimité de telle ou telle personne à dominer, et une légitimité de l'exercice de la domination de telle ou telle manière, de telle ou telle façon. Et cette légitimité, de nouveau, on connaît les typologies weberiennes, elle peut être de type rationnel, lorsqu'elle est fondée sur un règlement, elle peut être de type traditionnel, lorsqu'elle peut s'autoriser des usages inscrits dans une tradition. Et enfin, elle peut être charismatique. On a donc trois types de facteurs de la domination chez Weber. L'habitude d'une part, l'intérêt d'autre part, la légitimation d'autre part. Voilà. On peut préciser encore un peu les choses en faisant une remarque sur la manière dont ces trois facteurs sont introduits. Chaque facteur apparaît comme nécessaire et non suffisant, ayant de ce fait à être complété par les autres. On peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de trois facteurs à la fois? Il me semble que la réponse est sans doute que... Enfin, il n'y a pas de réponse chez Weber, mais on peut imaginer que... Enfin, on peut donner une réponse, peut-être qu'il ne l'aimerait pas, qui consisterait à dire que eh bien, la domination peut toujours s'accompagner d'usages excessif du pouvoir, hein, voire de violence et d'injustice, qui ont le pouvoir de briser l'apparence de naturalité que confère toute habitude, hein, de sorte que l'habitude n'est pas suffisante. Et si cette explication est la bonne, alors on peut aussi comprendre pourquoi eh bien, l'intérêt n'est pas non plus suffisant, parce que l'injustice et la violence ont également le pouvoir de faire apparaître comme illégitime la poursuite d'intérêt, d'où la nécessité, hein, de renforcer l'habitude par l'intérêt d'une part, et l'intérêt par des légitimations d'autre part. Alors, pour l'instant, je me suis contenté de commenter Weber. On peut remarquer qu'aucun des facteurs explicatifs qui sont envisagés par Weber ne renvoie à ce qui renverrait à un rapport social de domination, hein, au sens de ce que des auteurs comme Marx ou Bourdieu peuvent penser par domination. Et ça s'explique pour une bonne raison, tout simplement parce que l'objectif de Weber, c'est de définir des relations de domination qui sont des relations sociales de domination qui caractérisent certains groupements sociaux, hein, que précisément il appelle groupements de domination. Et ce qu'il entend, et quand il parle de groupements de domination, eh bien, il pense manifestement à des groupements comme l'entreprise et l'administration, hein, c'est-à-dire des groupes sociaux qui sont caractérisés par des relations sociales marquées par des relations sociales hiérarchisées, hein, par des hiérarchies de commandement, hein, d'où la définition de la domination par cette relation du commandement ou de l'ordre et de l'obéissance. Et donc on peut comprendre effectivement que si l'on prend la domination en ce sens, eh bien, il ne soit pas nécessaire de chercher en dehors de ces groupements des facteurs qui permettraient d'expliquer comment eh bien, ces relations se constituent à l'intérieur de ces groupes. Manifestement, enfin, on peut admettre, me semble-t-il, hein, que dans chaque institution met en œuvre des dispositifs de pouvoir spécifiques et qui doivent s'accompagner de formes de constitution de volonté d'obéir spécifique, de principes d'intérêt spécifique, au nom d'habitudes spécifiques, d'intérêts spécifiques et de principes de légitimation spécifiques. Et on ne voit pas pourquoi, effectivement, il serait nécessaire, de ce point de vue, eh bien, de se référer à des rapports de domination plus transversaux et plus généraux qui s'établiraient entre classes et groupes sociaux. Entre classes et groupes de statut, hein, pour utiliser son vocabulaire. Mais on peut quand même considérer que chacune des institutions est traversée par des rapports sociaux de domination transversaux, hein, qui remontent au rapport de force entre groupes sociaux et la manière dont ils conduisent à modeler le monde social et symbolique selon des intérêts déterminés. Hein, et donc, on peut penser donc que l'approche weberienne de la domination devrait être complétée par une approche qui s'appuierait sur une théorie de la domination comme rapport social et non plus simplement comme relation sociale. Alors, si l'on se tournait vers la théorie bourdieusienne de la domination pour voir si elle peut remplir cette fonction, il me semble qu'on verrait qu'elle ne conduit pas tant à introduire de nouveaux facteurs de domination, hein, sauf peut-être lorsqu'elle souligne le rôle de la domination et de la violence, hein, donc la domination prend la suite d'une violence et qu'elle continue à l'exprimer sous une forme modifiée à titre de violence symbolique, par exemple. Hein. Peut-être que la définition weberienne présuppose l'existence de la violence, c'est un peu ce que je tentais de suggérer, mais en tout cas, il n'y a rien d'explicite à ma connaissance sur cette question. Donc, si on fait abstraction de la question de la violence, on peut sans doute dire que donc, la théorie bourdieusienne de la domination ne conduit pas tant à introduire de nouveaux facteurs de domination, ou expliquer la domination par de nouveaux processus vecteur de domination qu'à privilégier, qu'à reformuler les trois facteurs, enfin la théorie des facteurs de domination qui est proposée par Weber, reformuler donc au sens tout d'abord où chez Bourdieu, eh bien, on a un privilège de l'explication de la domination par les deux premiers facteurs, que sont l'habitude et l'intérêt, et une relativisation de l'importance de la légitimation. Reformulation, d'autre part, au sens où eh bien, l'explication par l'habitude et l'intérêt sont elles-mêmes relativisées, sont elles-mêmes reformulées, excusez-moi, pensées autrement sous de nouveaux concepts. La relativisation de l'explication par la légitimation tient à la thèse selon laquelle la domination repose sur une adhésion spontanée et sur une dissimulation de son arbitraire plutôt que sur une adhésion consciente et volontaire. Bon, alors, par exemple, dans Méditation pascalienne, page 211, je cite un passage qui dit les choses clairement, mais il revient à différentes reprises. La reconnaissance de la légitimité n'est pas, comme le croit Max Weber, un acte libre de la conscience claire, elle s'enracine dans l'accord immédiat entre les structures incorporées devenues schèmes pratiques. Voilà, c'est ce que Max Weber dit aussi, hein, on a vu, mais bon, Weber, Bourdieu ne retient que la légitimation, et en tout cas, ce troisième facteur, eh bien, il vise il en conteste l'importance. Quant à l'explication en termes d'intérêt et d'habitude, elle est reformulée au moyen des concepts d'habitus, de violence symbolique et d'illusio. Donc je me contente de rappeler que l'habitus engage notamment un sense of one's place, hein, un sens de la place, je cite, un sens de la place actuelle ou potentielle, converti en un sens du placement qui commande son expérience, l'expérience donc de la place occupée, etc., etc., qui commande donc des conduites à tenir pour tenir son rang et se tenir à sa place, rester à sa place, etc., page 220, toujours de Méditation pascalienne. Et en outre, l'habitus implique une forme d'incorporation des hiérarchies symboliques, hein, qui est au fondement de la violence symbolique. La violence symbolique étant définie par Bourdieu comme cette coercition qui, je cite, hein, cette coercition qui ne s'insinue que par l'adhésion que le dominé ne peut manquer d'accorder au dominant et donc à la domination lorsqu'il ne dispose pour le penser et pour se penser, au mieux pour penser sa relation avec lui, que d'instruments de connaissance qu'il a en commun avec lui. Et qui, n'étant que la forme incorporée de la structure, de la relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle. Alors, on pourrait sans doute chercher à compléter l'analyse de ces différents facteurs de domination, sans doute que Marx pourrait rendre des services utiles à cette fin, mais pour l'objectif qui était le mien, savoir tenter de distinguer différents types de rapports possibles entre reconnaissance et domination, je crois qu'on a assez de concepts déjà et de distinctions. Alors je vais maintenant essayer de distinguer quatre rapports possibles de la reconnaissance et de la domination. Et pour ce faire, je vais remonter dans l'histoire des idées, remonter à des auteurs qu'on peut considérer comme appartenant aux fondateurs des sciences sociales, hein. Hegel, enfin Marx, Hegel, et puis en deçà, la Boétie. Je vais mentionner ces trois auteurs sans développer vraiment leurs idées, mais simplement comme trois auteurs qui ont abordé la question du rapport entre domination et reconnaissance sous des jours différents et complémentaires. Et chaque fois, je vais me demander comment leurs intuitions à ce propos pourraient être développées du point de vue d'une théorie sociale. Peuvent être considérées, pourquoi elles peuvent être considérées comme pertinentes du point de vue de la théorie sociale. Alors, pour s'engager dans cette démarche, le plus commode est de repartir de Hegel. Puisque c'est celui qui a le plus sans doute influencé la discussion sur le rapport entre reconnaissance et domination. Et on peut remarquer à ce propos que dans la phénoménologie de l'esprit, hein, le chapitre 4 dans sa section A est intitulé, pour sous-titre, Domination et servitude. Hein, c'est intéressant de remarquer que donc, ce chapitre qui est si célèbre pour avoir effectué la promotion philosophique du concept de reconnaissance, hein, pour avoir érigé le concept de reconnaissance au rang de concept technique de la philosophie, concept majeur d'une philosophie, de principe philosophique, pour ainsi dire. Ce même chapitre est celui où, pour la première fois, à ma connaissance, le concept de domination est érigé lui-même, Herrschaft, dans l'allemand, c'est bien de domination qu'il s'agit, est érigé en concept philosophique principe majeur. Hein. Première fois que ces deux concepts, donc, et au même, dans le même chapitre, sont domination d'une part, reconnaissance d'autre part, sont élevés au rang de concepts majeurs dans l'histoire de la philosophie, la connaissance. Alors, on peut dire que dans ce chapitre, la question de la domination est doublement associée à celle de la reconnaissance. D'une part, parce que la relation de domination et de servitude y apparaît comme le résultat d'une lutte de reconnaissance. La lutte à mort dans laquelle s'engagent deux consciences de soi pour prouver à l'autre, ou trouver confirmation à l'autre de la valeur de leur liberté. Et cette domination, donc, elle résulte, elle s'établit après une lutte, elle résulte d'une lutte, et elle s'établit, plus précisément, lorsque l'une des deux consciences de soi reconnaît son infériorité. C'est-à-dire que la domination, telle qu'elle est définie ici, ou telle qu'elle est caractérisée ici, hein, repose sur le fait qu'un individu devient dominé en reconnaissant un statut supérieur à un autre qui, par là même, devient dominant, ou maître, Herr. Herrschaft, c'est le même, le français, maître et domination, c'est deux signifiants différents, enfin deux racines différentes, c'est la même hein, en allemand. Herr, Herrschaft. Mais la relation de domination est également présentée dans ce même chapitre, hein, c'est le deuxième rapport, deuxième manière de penser les relations de domination et de reconnaissance. En premier, donc, alors, la reconnaissance apparaît comme un fondement de la domination, mais ensuite, hein, la relation de domination va être présentée comme une relation entre ces deux consciences qui finit par s'avérer comme insatisfaisante pour l'une comme pour l'autre des consciences de soi. Et insatisfaisante du point de vue hein, de la reconnaissance qu'elle procure, du point de vue de la confirmation que la reconnaissance de l'autre donne de la confirmation de la valeur de la liberté. Elle est reconnaissance pour des raisons différentes, pour le maître et pour l'esclave ou le serviteur, peu importe. Hein, l'idée est bien que les attentes de reconnaissance apparaissent comme des attentes qui sont susceptibles d'introduire une expérience de la conscience, au sens que Hegel donne à ce terme, c'est-à-dire une expérience négative qui s'accompagne d'une prise de conscience de l'insuffisance, du caractère insatisfaisant, hein, en l'occurrence, de ces relations de domination. Et en ce sens, donc, on peut considérer que les attentes de reconnaissance hein, sont posées ici, dans ce chapitre, comme eh bien, un point de vue permettant de critiquer, voire de pousser à transformer des relations de domination. Alors, il est intéressant de noter que chez Hegel, hein, on trouve donc les deux positions qui, aujourd'hui encore, polarisent la discussion. La reconnaissance comme fondement de la domination, d'une part, et la reconnaissance comme facteur de résistance à la domination, d'autre part. Il est intéressant de remarquer également que, bien loin d'être considérées comme mutuellement exclusives, hein, elles sont articulées l'une à l'autre. Au sens donc où la reconnaissance contribuerait à la domination autant qu'elle pourrait conduire à faire apparaître son caractère insatisfaisant et à engager des pratiques de résistance contre elle. Reste à savoir si on pourrait défendre une telle position du point de vue de la théorie sociale. Et c'est, en d'autres termes, si ces deux thèses peuvent effectivement être vraies à la fois et comment elles pourraient être articulées l'une à l'autre. Et pour ce faire, on peut se tourner vers Bourdieu et Honnête. Le premier cherche en effet à montrer que la recherche de reconnaissance, donc Bourdieu, hein, la recherche de reconnaissance, en tant que promesse de compensation du sacrifice de l'amour propre hein, dans la socialisation primaire, cherche à montrer que cette recherche de reconnaissance, qu'il appelle recherche de reconnaissance lui-même, hein, dans l'imitation pascalienne, page 199-200, cette recherche de reconnaissance, donc, est la forme première de l'investissement affectif dans le monde social, la condition affective, au moins, de la socialisation. Il donne donc à la reconnaissance un rôle de fondement anthropologique du social, dans la méditation pascalienne. Sur ce point a bien été analysé par Christian Lazzeri dans l'article Reconnaissance spinoziste et sociologie critique, Spinoza et Bourdieu, hein, dans Citons leur don, Spinoza et les sciences sociales. Olivier Voirol aussi a fait un article sur la reconnaissance chez Bourdieu où il met ce thème en avant. Hein, se trouve l'article Reconnaissance et méconnaissance sur la théorie de la violence symbolique, dans la revue Information sur les sciences sociales, volume, un article de 2004. Donc, la reconnaissance, la recherche de reconnaissance est au fondement de la socialisation, mais Bourdieu ajoute que cette recherche ne peut que se mouler dans la hiérarchie symbolique, de sorte que la reconnaissance, la recherche de reconnaissance est toujours, eh bien, aboutit toujours à des formes de reconnaissance inégalitaire et asymétrique, et qu'elle conduit à reconnaître une supériorité au dominant et à réactiver le pouvoir symbolique sur lequel repose partiellement au moins la domination. Donc ici, on a donc, chez Bourdieu, la thèse suivant laquelle les attentes de reconnaissance sont tout à fait centrales, mais que ces attentes de reconnaissance, parce qu'elles sont toujours obligées de se mouler ou parce qu'elles sont structurées par des hiérarchies symboliques, contribuent à conférer à la domination son effectivité. C'est la forme donc souvent laquelle la reconnaissance apparaît comme le fondement de la domination. Cependant, Bourdieu affirme également que le monde social n'est pas caractérisé seulement par des processus de reproduction des rapports sociaux de domination, mais aussi par des luttes symboliques. Luttes symboliques, qu'il appelle toujours dans la méditation pascalienne, des luttes de reconnaissance. Alors si on admet donc, comme lui, que les attentes de reconnaissance sont tout à fait centrales, que d'autre part, elles peuvent prendre la forme de luttes symboliques, que ce monde social est aussi caractérisé par les luttes symboliques, qui sont des luttes de reconnaissance, alors il est difficile de ne pas penser que la domination fait que certaines attentes de la reconnaissance restent structurellement insatisfaites. Ou bien que les modalités de l'exercice de la domination peuvent conduire ponctuellement à des sentiments, à des formes de violence symbolique qui sont susceptibles de remettre en cause la domination ou de s'engager des luttes de reconnaissance contre elle. On peut penser à des sentiments d'humiliation ou d'injustice qui auraient le pouvoir de mobiliser les individus et les groupes sociaux contre la domination. Il me semble que les analyses de Bourdieu rendent ces conclusions inévitables. Mais ces conclusions, elles ne sont pas développées par Bourdieu lui-même, et c'est vers une autre théorie ou une autre conceptualisation de la reconnaissance qu'il faudrait se tourner pour pouvoir les formuler explicitement. C'est vers une théorie, par exemple, de la reconnaissance de type honnêtien qu'on pourrait se tourner pour le faire. En effet, on trouve chez Honnête l'idée que si la socialisation peut conduire à intérioriser des critères normatifs qui peuvent porter à trouver normal d'être dévalorisé, et s'il est toujours possible de s'habituer à différentes formes de mépris social et d'humiliation ordinaire, d'un autre côté, les expériences du mépris et de l'humiliation peuvent aussi prendre la forme de violences morales, de blessures morales, qui ont la capacité de remettre en cause le sense of one's place et la validité des critères de reconnaissance institutionnalisés. Alors, je viens de dire donc je viens de rappeler qu'on trouve chez Hegel deux modèles pour penser les rapports entre reconnaissance et domination, et je viens d'essayer de me référer à Bourdieu et à Honnête pour trouver un moyen de les articuler du point de vue d'une théorie sociale. Maintenant, je vais prendre en compte deux autres modèles. Donc le troisième modèle, un modèle qu'on trouve chez La Boétie, et dans le discours du servitude volontaire, et un autre modèle que l'on trouve chez Marx. Alors, on trouve un troisième modèle chez La Boétie, puisque dans le discours de la servitude volontaire, il explique notamment, dans un passage qui est certes non développé, c'est une idée néanmoins qui est importante, semble-t-il. Il explique que les rapports de domination peuvent conduire à des formes de destruction des rapports de reconnaissance qui sont constitutifs de la socialité naturelle. On trouve chez La Boétie à la fois l'idée que l'homme est un animal social et que sa socialité naturelle se caractérise par des relations de reconnaissance. La nature a fait les hommes de telle sorte qu'ils s'entreconnaissent. Qu'ils s'entreconnaissent, elle les a fait de même moule, au même moule, sur le même moule, sur le même patron, pour qu'ils puissent s'entreconnaître. Mais par ailleurs, Eh bien, chez ceux qui sont parvenus à conserver l'idée de la valeur de la liberté et le désir d'en jouir, hein, sous la tyrannie, eh bien, la Boétie écrit « Le bon zèle et affection de ceux qui ont gardé, malgré le temps, la dévotion à la franchise, pour si grand nombre qu'il en est, demeure sans effet pour ne s'entreconnaître point, hein, pour ne se reconnaître point. La liberté leur est tout ôtée sous le tyran de parler, de faire et quasi de penser. Ils deviennent tous singuliers, c'est-à-dire isolés, en leur fantaisie, c'est-à-dire en leurs idées. » Dans l'édition Vrin, c'est toujours à la page 39. Donc, on a donc ici un rapport entre domination et reconnaissance, dans lequel la reconnaissance est considérée comme, du point de vue des effets que la domination peut produire sur elle. Et ces effets, ils sont destructeurs. La domination remet en cause la reconnaissance, et elle remet en cause par là même les types de socialité ou de groupes sociaux qui peuvent se fonder sur la domination. Qui peuvent se fonder sur la reconnaissance, excusez-moi. Alors ici encore, on peut s'interroger sur la manière dont ce thème pourrait être reformulé sur le plan de la théorie sociale. Le fait que la domination puisse remettre en cause des formes de reconnaissance liées à des formes de socialité me semble pouvoir être illustré sociologiquement par toutes sortes de modèles. On pourrait se référer à Bourdieu, même si ça pourrait peut-être surprendre, hein, en s'appuyant sur sa définition du capital social comme rapport de reconnaissance. Dans l'article des actes de recherche sciences sociales, le capital social note provisoire, on trouve l'idée sur laquelle le capital social, je cite, hein, est l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance et d'interreconnaissance. Ou en d'autres termes, l'appartenance à un groupe. Hein, l'appartenance à un groupe, ici, est pensée du point de vue, comme réseau de reconnaissance. On pourrait se référer également à Hogarth, et à l'idée que dans une société de classe, dans une société structurée par des rapports de domination de classe, les rapports de reconnaissance sont marqués par l'opposition entre eux et nous. Certaines attentes de reconnaissance sont structurées par cette opposition de ceux dont on veut la reconnaissance, ceux dont on ne la veut pas. On pourrait également, pour se référer à des débats plus récents, se référer aux... mentionner les discussions récentes sur la capacité des techniques de pouvoir managériel à remettre en cause les collectifs de travail, hein, déstructurer les collectifs de travail, c'est-à-dire à remettre en cause des relations de reconnaissance entre pairs, hein, qui sont constitutives des collectifs de travail, qui portent non pas simplement sur le statut et la valeur des individus, mais également sur leur activité de travail. On verrait donc à partir de ces analyses que l'appartenance à un groupe peut être définie du point de vue des relations de reconnaissance qui unissent les membres de ce groupe, que certains groupes peuvent se constituer en pôle de résistance à la domination en s'appuyant sur des formes de reconnaissance spécifiques, et que les attentes de reconnaissance, donc les attentes de reconnaissance de ses membres pourront être structurées donc par cette résistance. Et on verrait également, troisièmement, donc, que ce groupe et ses relations de reconnaissance peuvent également être dissous par une domination qui individualise et isole. Alors, sous l'effet de la crainte, hein, et de l'impossibilité de communiquer ou d'interagir librement avec autrui, hein, comme l'expliquait la Boétie, mais peut-être également sous l'effet de procédures de pouvoir plus spécifiques, sous l'effet de procédures de précarisation et de mise en concurrence des individus, comme dans l'organisation néolibérale du travail. Bon, j'en viens maintenant à Marx et à un quatrième modèle, et je m'arrêterai là. Alors, il me semble qu'on peut trouver chez Marx un quatrième modèle suivant lequel les rapports de domination peuvent rendre la reconnaissance faussée. Donc là, on continue à penser le rapport de reconnaissance et de domination du point de vue des effets que la domination produit sur la reconnaissance, mais plutôt que de penser ces effets comme des effets de destructeurs, on pense ces effets comme des effets de perversion, de détournement, qui est comme induisant donc non plus une disparition des relations de reconnaissance, mais la constitution de relations de reconnaissance fondamentalement insatisfaisantes. Alors, on trouve déjà dans les notes sur James Mill, en 1844, et plus précisément encore, ou plus clairement, hein, en tout cas, dans le Capital, on trouve l'idée suivant laquelle les relations de domination peuvent conduire les individus à chercher à se faire reconnaître sous des masques ou sous des apparences trompeuses. Alors dans le Capital, Marx parle de dramatis personae, de personnages de drame, ou de caractère masken, de masque de caractère. C'est une mauvaise traduction, j'arrive plus à trouver la bonne traduction. Et donc l'idée est que donc, les individus sont conduits par la domination à chercher à se faire reconnaître réciproquement les uns des autres sous des apparences trompeuses, parce qu'il leur faut jouer le rôle que les dominants attendent d'eux. Alors, si on voulait développer cette indication du point de vue de la théorie sociale, en se référant à des références plus du XXe siècle ou contemporaines, on pourrait se référer, me semble-t-il, à Adorno, hein, qui soutient lui aussi la thèse suivant laquelle le fait que nous soyons obligés d'endosser des rôles sociaux constitue la preuve de la non-vérité de la société. Hein, c'est une thèse, c'est une critique qu'on trouve dans l'article Société, hein, qui a été récemment traduit dans le volume Société, intégration, désintégration, hein, chez Payot en 2011, aux pages 27-28, il y a toute une critique de la théorie des rôles, la théorie sociologique des rôles, hein, qui consiste à souligner que le paradigme de l'interaction comme scène et comme théâtre, hein, qui est au centre de la théorie des rôles, est fondamentalement insatisfaisant et doit être critiqué parce qu'il transforme une situation aliénée, celle dans laquelle on ne peut pas faire autre chose que faire semblant de jouer un rôle, hein, le théâtre n'étant pas la vie réelle, hein, par définition. Donc transformer cette situation aliénée en situation réelle, comme si donc la réalité devenait le théâtre. Du point de vue de la théorie sociale, donc, c'est le paradigme de l'interaction comme scène et comme théâtre qui est critiqué, parce que ce paradigme conduit à penser l'interaction comme ajustement de rôle, et à décrire donc, en ce sens, des relations de reconnaissance à travers des rôles, comme si les relations de reconnaissance ne pouvaient intervenir dans l'interaction que comme reconnaissance de rôle, ce qui dissimule, d'après Adorno, toute la différence qui existe entre un véritable engagement dans l'interaction, hein, d'une part, et d'autre part, un rôle qu'on joue parce qu'on est obligé de se soumettre aux attentes des dominants, tout en sachant, hein, que satisfaire ces attentes, contrevient au moins partiellement à nos intérêts. Donc on pourrait se référer à Adorno pour développer ces références, hein, effectivement, qu'on trouve chez Marx à ces modalités théâtrales de l'interaction, hein, qui semblent propres au capitalisme, d'après Marx. On pourrait aussi se référer à James Scott, hein, qui, dans La domination et les arts de la résistance, souligne que la domination génère des interactions fausses qui sont accompagnées d'un texte caché, hein, chez les dominés, qui en dénonce la non-vérité ou la fausseté. On vient à développer le thème adornien d'une autre manière, en soulignant donc que cette fausseté liée au rôle imposé par la domination est accompagnée d'une critique de cette fausseté. Ce point que Adorno, lui, ne souligne pas. Alors, en développant ces thèmes, on en arrive à l'idée que la domination produit des effets de reconnaissance qui peuvent être profondément insatisfaisants. Insatisfaction qui, certes, n'a sans doute pas le pouvoir de générer de puissantes dynamiques de résistance et de mobilisation collective, hein, contrairement à ces expériences de violence morale, de l'humiliation ou du mépris dont on parlait tout à l'heure, mais qui sans doute, insatisfaction structurelle, donc, qui sans doute, forme de reconnaissance satisfaisante, qui sans doute contribue à nourrir une insatisfaction structurelle, hein, qui pourrait bien, comme Hegel le suggérait, accompagner les relations de domination. Insatisfaction structurelle qui pourrait bien constituer un fond d'insatisfaction et de souffrance sociale qui contribue à donner tout leur écho à ces expériences où le mépris et l'humiliation deviennent des violences morales. Alors, il y a un dernier type de rapport qu'on pourrait envisager entre domination et reconnaissance qui renverrait à une instrumentalisation de la reconnaissance par la domination, hein, sur le modèle des fausses promesses de reconnaissance sous le modèle de la reconnaissance comme idéologie chez Honneth, hein, puisque Honneth a consacré sous ce titre un article à la manière dont les promesses de reconnaissance sont instrumentalisées dans le management contemporain. Mais ce modèle-là, eh bien, je ne l'ai pas trouvé chez les classiques. Bien, merci Emmanuel. Je pense que la conférence offre suffisamment de points de discussion, assez riche entre les structures, les interactions et les quatre modèles que tu as proposés. Donc la parole est à la salle pour des questions, des remarques, des observations. Alexis, pardon. J'essaie de choisir une ou deux questions. D'abord, une question sur ce que tu appelles différents types de rapports. Est-ce que ça veut dire une question de clarification? Est-ce que ça veut dire que c'est des phénomènes, enfin, dans ce que tu vises, c'est des phénomènes distincts? Parce qu'on pourrait dire, en fond, pour prendre les trois derniers, domination comme destruction, comme détournement ou comme instrumentalisation, que pour certains exemples, par exemple, le management que tu as cité, les trois marchent très bien et en même temps, et que ça s'articule. Détruire les collectifs de résistance possible, détourner les attentes d'émancipation et instrumentaliser pour faire des ressorts d'engagement dans le travail, par exemple. Donc c'est juste une question générale de clarification. Est-ce que ces différents types de rapports analytiques ou alors différents types de phénomènes? Et une deuxième question, très, très générale aussi, tu as distingué au début approche descriptive et explicative, en disant que ça permet de dire ce que veulent faire les approches micro et macro. Et je me demandais si distinguer une approche plutôt génétique et structurelle venait pas, plutôt que descriptive, explicative, venait pas changer beaucoup. Enfin, est-ce que c'était pareil? Parce que par exemple, Foucault, en disant que la domination et une stabilisation du pouvoir, c'est une approche génétique. Et c'est ce que fait aussi Honneth en lui disant, mais là, il est obligé, dans Critique des remarques, Foucault est obligé de reconnaître ce moment qu'il ne veut pas reconnaître, qui est celle de la reconnaissance d'une infériorité. Et donc, finalement, il lui dit, mais il est incapable d'avoir un moment structurel, alors que c'est ce qu'il voulait faire. On pourrait dire aussi que de ce point de vue, Honneth, lui, est complètement du côté génétique. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est de dire, mais comment ça se forme, le pouvoir et la domination, à partir de formations de reconnaissance, et les critiques contre la reconnaissance, type McNeill, on dit, mais non, le pouvoir, la domination, c'est vraiment seulement le cadre, et si on pose la question génétique, on ne comprend rien. C'est ce qu'elle dit à partir de Bourdieu, puis je m'arrête là sur la question, elle dit, si on pose les questions comme Honneth ou comme les autres, on ne voit plus du tout comment les rapports de domination sont des cadres structurels. Et si on ne voit pas ça, que c'est des conditions au fond de la reconnaissance, toujours, on pose la question, une question génétique qui est mauvaise. Et donc elle critique tout le monde comme ça. Voilà, est-ce que simplement est-ce que cette distinction génétique structurelle peut paraît coller comme... Non, donc l'intérêt de distinguer différents types de rapports possibles de la reconnaissance et de la domination, c'est ensuite donc de rendre compte de la diversité des formes dans lesquelles, précisément, dans le monde social, enfin dans le monde effectif, eh bien, c'est les attentes de reconnaissance et les processus de domination peuvent... les attentes, les effets de reconnaissance d'un côté et les processus de domination d'un autre côté peuvent se produire. Donc il y a toutes sortes. Donc effectivement, il y a des cas où un type de rapport tendra à dominer, ou certains types de relations sociales qui seront caractérisées par l'un de ces rapports, mais d'autres par tous à la fois. Et la situation du travail, disons, de l'entreprise néolibérale est intéressante pour ça, parce que on peut trouver, me semble-t-il, les cinq rapports possibles. Hein. Tout d'abord, on a des types de reconnaissance qui contribuent, enfin, une domination qui produit des types de reconnaissance, des effets de reconnaissance qui contribuent à à déstructurer les qualités du travail à travers l'individualisation, à travers l'évaluation individualisée des résultats. Hein, là, il s'agit bien d'une forme de reconnaissance. Hein, ton travail, il est reconnu comme valant plus ou moins que ton collègue. Et donc là, la domination produit des effets de reconnaissance, enfin, un dispositif de pouvoir dans le cadre d'une relation hein, qui contribue à la stabilisation d'une relation de domination ou à son renforcement peut-être. Parce que finalement, la question, c'est aussi, c'est pas simplement la stabilisation, c'est aussi le renforcement, si on admet qu'il y a de la résistance possible. Donc le renforcement d'une relation de domination passe par des effets de reconnaissance qui contribuent donc à déstructurer les collectifs de travail, disons le modèle laboétien. Par ailleurs, si on prenait en compte d'autres types, on peut dire que cette forme de reconnaissance-là, passant par l'individu, la reconnaissance, par l'évaluation, excusez-moi, l'évaluation individualisée des performances. Elle est de même que cette autre forme de reconnaissance qui passe par la qualité totale, hein, la procédure qualité totale, elle est considérée par ceux qui y sont soumis comme une reconnaissance fondamentalement insatisfaisante parce qu'elle est fausse. Hein, et en même temps, les salariés vont être obligés de présenter leur propre travail sous cette forme pour parvenir à conserver leur travail ou ne pas, disons, encourir de sanctions. Donc là, on est typiquement dans une situation de non-vérité assumée hein, de formes de reconnaissance. Donc là, on est dans le modèle, disons, adornien. Hein. Et par ailleurs, il va y avoir toutes sortes de discours, de critiques du blabla managérial qui vont se développer. On est aussi dans le modèle du texte caché qui va accompagner ces formes de résistance. Bon, on a déjà mentionné les fausses promesses de reconnaissance, l'instrumentalisation, mais on peut aussi trouver des illustrations sociologiques du fait que la reconnaissance peut fonctionner également les attentes de reconnaissance peuvent contribuer à soutenir ou à renforcer la domination, mais cette fois-ci dans les attentes des salariés. Hein, et donc, malheureusement, je ne retrouve plus le texte où Herman Kochiba, enfin, à vrai dire, c'est une discussion, je ne sais plus s'il a publié, mais il expliquait que sur son terrain, dans la banque qu'il étudiait, dans laquelle il travaillait à Francfort, quand il demandait aux salariés quelle était la reconnaissance qui pour eux comptait le plus, il donnait toujours la reconnaissance des pairs en exemple. C'est ce qui compte pour nous, c'est d'être reconnu par nos pairs, par nos collègues. Mais ce qui ressortait de l'entretien approfondi, hein, c'était en fait que c'était la reconnaissance de la part de la hiérarchie. Et donc là, on a un bel exemple de la manière dont les attentes de reconnaissance sont modelées par la hiérarchie symbolique. Et comment, finalement, au bout du compte, ce qui compte le plus pour nous, eh bien, c'est la reconnaissance de nos managers, c'est la reconnaissance du patron, enfin de la direction, quoi, de la hiérarchie en général. Et enfin, bon, ben voilà, on a aussi d'autres exemples. L'entreprise est un autre lieu où eh bien, il y a des expériences du mépris qui sont insupportables. Et que ce soit par exemple que ce soit les brimades concernant la limitation des pauses de toilettes, hein, ou que ce soit le sentiment d'avoir été d'être traité comme un chien quand on est licencié pour gérer plus de dividendes aux actionnaires, etc. Alors même qu'on a fait beaucoup d'efforts, le sentiment que nos efforts n'ont pas été ne sont pas reconnus, et pire que ça, méprisés, etc. Donc effectivement, l'intérêt de distinguer différents types de rapports, hein, c'est de ne pas se centrer sur un seul modèle, de ne pas simplifier la discussion et de ne pas la réduire à des discussions purement définitionnelles ou conceptuelles, hein, puisque le problème, c'est... Ah ben si, on va pouvoir justement distinguer différents types de phénomènes suivant que ces phénomènes seront caractérisés par tel ou tel de ces rapports ou tel ou tel des combinaisons de ces rapports. Hein, mais ça c'est des questions empiriques, ça c'est plus des questions théoriques ou conceptuelles. Quant à la distinction du descriptif et de l'analytique, quand je disais descriptif et explicatif, en fait, je voulais dire que la définition de la domination par l'obéissance est... Enfin, l'approche weberienne, elle part d'une définition de type descriptif, d'accord ? Hein, on peut considérer qu'il y a domination dès que l'on peut décrire à un certain type d'obéissance stabilisée. D'accord ? Donc en ce sens, après, on a évidemment tout un ensemble d'explications de la stabilisation de cette relation. Donc l'approche micro, elle n'est pas descriptive par essence. Hein. La difficulté, c'est de savoir ce qu'on entend, quel type de description de la domination on présuppose dans les approches macro. Parce que ça, c'est plus difficile. Hein, quand on pense à la domination comme rapport social. Parce que, il me semble qu'il y a deux possibilités. Soit on présuppose la même description, hein, soit on va dire, bon, de la domination, ça relève de ces symétries dans l'interaction qu'il faut expliquer en mobilisant des facteurs explicatifs qui ne se constituent pas eux-mêmes dans l'interaction, mais qui se constituent sur une autre... qui doivent être étudiés à une autre échelle, hein, à une échelle macro, ou dont la théorie doit être développée à une autre échelle, de sorte que la théorie des rapports sociaux de domination, contrairement à une approche micro, elle procéderait d'une variation d'échelle. Elle procéderait à une variation d'échelle micro et macro sur la domination. Donc ça, c'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité qui consiste, et c'est une tendance, me semble-t-il, chez certains sociologues bourdieusiens, à identifier domination et inégalité structurelle. Alors ça, c'est très ennuyeux pour nous, philosophes, parce que si c'est ça, alors, comme l'inégalité structurelle, elle renvoie à l'injustice, on n'a pas besoin de théorie de la domination. On n'a pas besoin d'introduire un concept de domination dans le discours philosophique, puisqu'on a déjà une théorie, puisque la théorie de la justice suffit déjà à distinguer des inégalités légitimes et illégitimes. Qu'elles soient structurelles ou pas, c'est pas notre problème, hein, puisque ça serait justement le travail du sociologue que de définir... Eh bien, précisément, si elles sont structurelles ou pas. Mais, alors, dans ce cas, si on veut quand même... Alors, il y a une solution hein, pour ne pas se contenter d'identifier domination à inégalité structurelle tout en continuant à raisonner sur le simple niveau macro, ça serait de considérer qu'il y a domination dès que ces inégalités structurelles, elles proviennent d'un rapport de force entre groupes. Et donc là, ça nous renvoie à la question génétique. Hein, c'est typiquement le modèle, le modèle marxien, c'est également le modèle bourdieusien, hein, et donc ils sont bien génétiques ces deux modèles, fondamentalement. Ils sont à la fois structurels et génétiques, parce que ces inégalités structurelles, elles sont le résultat d'une lutte et elles continuent à conserver la trace de cette lutte à travers les formes de violence transformées qui s'exercent en elles, donc ça va être la violence symbolique, ou la potentialité de la violence qui accompagnera, ou la possibilité que cette violence se réactive dès que les dominés chercheront à se soustraire à ce rapport de domination, hein, que ce soit à travers la violence d'État, ou que ce soit à travers des sanctions de différents types. Alors ça, c'est une autre possibilité de définir la domination. Par exemple, est-ce que donc on peut dire que c'est une autre question qui te ferait poser dans ce cas. Moi, j'ai juste des questions, j'ai pas de réponse pour ces questions. C'est est-ce qu'il est possible d'être la limite de l'approche micro. Enfin, pour la formuler en disant voilà, est-ce que c'est possible d'être dominé? Est-ce que c'est légitime ou pas de dire que l'ouvrier, par exemple, est dominé par son patron, alors qu'il n'a aucune interaction avec lui? Alors bon, il y a une hiérarchie, donc on peut répondre à cette question. Enfin voilà, je réponds à une question par d'autres questions. Justement, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou d'autres réponses? Ou des réponses spécifiques. Vous savez bien quelle est la notion de domination versus Segel ou Weber. J'ai décrit plusieurs rapports. Je voulais mettre en scène les analyses de Nancy Fraser de l'époque redistribution et reconnaissance. Donc ça concerne la question de l'état-providence, la redistribution sociale en termes de revenus, mais aussi en termes de reconnaissance du sujet sur les sociaux, ça concerne la portée socialisatrice de l'état-providence. Donc sur la reconnaissance, elle va dire comme vous, les distorsions de certaines formes d'état-providence par rapport au sujet, par rapport à la façon de s'approprier la norme publique, la norme de redistribution, etc. Mais par rapport à votre analyse que vous avez posée, la notion de redistribution aussi, la notion de domination aussi, et la notion de distribution aussi. Parce que la redistribution, je peux la mettre dans la domination, mais ça suppose une conception, soit corporation, soit bureaucratique de l'État-providence. Et en même temps, l'État-providence a une autre racine, alors je dirais pas émancipatrice, mais socialisatrice, ou régulation des rapports publics. Trouver un moyen terme du conflit en face. Donc la notion de redistribution, même si c'est un peu schématique, c'est peut-être la question, aussi dans les rapports de domination. Et à ce moment-là, il y aura un accroissement des formes de domination, par exemple, la domination financière qui pèse sur les formes organisées de la redistribution a des conséquences de la reconnaissance. Et les sujets sur la reconnaissance peuvent réinterpeller moi, parce que c'est un rapport politique structurel, les formes de redistribution, et donc après la dédomination financière. Mais c'est ce schéma politique. Mais à ce moment-là, la question porte. La redistribution comme schéma, comme notion, peut être dans la domination comme elle peut être décalée de la domination. À ce moment-là, la complexité du schéma. Peut-être que la fin, ouais. Comment ? Non, mais c'est-à-dire que. Donc, si on reprend l'opposition de Fraser entre reconnaissance et redistribution, donc on voit effectivement que la domination, elle peut être des deux côtés, mais seulement elle n'est véritablement thématisée que d'un seul côté. Elle est véritablement thématisée que du côté de la reconnaissance, hein, parce que quand elle pense à la reconnaissance, elle pense à un certain type d'inégalité qui renvoie typiquement à des inégalités de reconnaissance. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a ces groupes de statuts, et si ça signifie, ça signifie qu'il y a des reconnaissances différenciées, des statuts différenciés dans une société. Et ça, c'est typiquement ce que l'on pourrait, me semble-t-il, on est en droit de considérer comme relevant de la dimension symbolique, hein, d'un rapport social de domination. Hein, tout rapport social de domination s'accompagne de préjugés sociaux dépréciatifs qui concernent les femmes, les immigrés, la couleur de peau, le sexe ou la classe sociale. Donc on a des préjugés dépréciatifs qui sont constitutifs, qui constituent la part symbolique de la domination, étant donné que dans un rapport de domination, il y a autre chose que simplement des symboles et des rapports de reconnaissance. Il y a aussi des dispositifs, des formes d'organisation, des activités, etc. Donc là, je pense qu'elle, une des grandes limites, pour moi, une limite de sa théorie, c'est que, bon, elle considère donc la domination que de ce côté, et c'est simplement un certain type de. Elle pense ces dominations comme, justement, ne renvoyant pas, hein, comme étant déconnectées des inégalités qui, elles, renvoient typiquement au rapport de classe, puisqu'on ne peut pas se référer au concept de groupe de statut sans se référer au groupe de classe. Donc, ce qui relève de la classe, donc des rapports sociaux de classe, eh bien, c'est déconnecté de cette conception de la dimension symbolique de la domination. Alors maintenant, si l'on va de l'autre côté, du côté donc de la redistribution, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve qu'effectivement, on pourrait penser néanmoins la domination, si on admet que dès qu'il y a inégalité structurelle, il y a domination, d'accord ? Puisque les redistributions qu'elle envisage, elle a bien pour fonction de lutter contre des formes d'inégalité structurelle. D'accord ? Mais seulement ces inégalités structurelles, elles ne sont pas pensées en termes de domination, elles ne sont pas pensées en termes d'assujettissement à des images oppressives de soi, elles ne sont pas pensées en termes de limitation à des espaces, d'identification à des positions sociales subordonnées, elles ne sont pas pensées à tout ce qui renvoie sont pas pensés à des formes d'aliénation, ils sont pas, leur dépassement n'est pas pensé en termes d'émancipation, c'est-à-dire de dépassement de toutes les formes d'intériorisation de cette domination, ils sont pensés en termes de redistribution. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que précisément, l'objectif, hein, c'est de penser ces questions-là en termes de justice et pas en termes de domination. Hein, et ça c'est la même question que l'on retrouvait. Et ça a des conséquences politiques évidentes, par exemple si on considère le travail. Hein, parce que donc Fraser, elle fait partie de tous ces auteurs qui suivent le mouvement de la gauche du XXe siècle et qui considère, qui a abandonné la critique de la subordination ouvrière, qui a abandonné l'idée que le travail pouvait être le lieu d'une subversion de la domination, d'une d'une transformation ou d'un renversement de la division gouvernant dans l'entreprise. Et la seule question qui reste pour la gauche, suivant toute cette conception, eh bien, c'est de donner des compensations aux exploités et de redistribuer les richesses pour rendre les maux du travail aliéné et de la domination plus supportables. Bruno Trentin, dans son ouvrage récemment traduit, La Cité du Travail, développe toutes ces idées de façon très convaincante, me semble-t-il. Oui, mais la pensée, comme vous dites, c'est la dimension contradictoire de la domination. Mais sauf que votre caractère. Contradictoire, en quel sens contradictoire? Non, je voulais revenir plutôt sur la caractérisation de la cité. Vous dites, domination, c'est inégalité, donc c'est la dimension grégorienne, le statut de la domination. Mais il y a différents types d'inégalités. Martien. Il y a différents types. Non, l'inégalité, ça ne suffit pas. Mon idée, c'est ça. C'est que. Ben oui, mais une hiérarchie de revenus, par exemple, est-ce que c'est une domination? C'est une injustice, une hiérarchie dans les droits. Non, pourquoi est-ce qu'on thématise ça en termes de domination plutôt qu'un... Donc c'est le poids d'analyse hébérienne qui empêche de montrer, de mon point de vue, la dimension contradictoire de domination. Chez Fraser? Chez Fraser, et sur la question de l'État-providence, parce que l'État-providence, on pouvait assigner une tâche émancipatrice, c'est surtout fort. D'accord, je comprends. Mais le travail de retournement de l'émancipation sur la domination ne se fait pas forcément ni intellectuellement ni simplement. C'est ça que j'appelle ce mélange de l'air maximum. Une question d'Eva. J'ai une question sur l'utilisation de la domination dans le cours à Weber. Je me demande s'il n'y a pas un saut une fois que tu passes après Weber, parce que j'ai l'impression qu'il écrit plutôt le phénomène de l'autorité. Plus que ce qu'on entend habituellement par domination, qui semble impliquer de la violence, comme tu sembles t'y référer un peu plus par la suite. J'aurais bien aimé avoir une précision, même si Weber utilise le terme de l'achat, est-ce qu'on a vraiment affaire au même phénomène? Pardon, je vais rapprocher une question parce que je voulais la poser de toute façon. Donc, comme elle va dans le même sens que celle d'Eva, je me permets de la poser aussi. Mais moi aussi, je suis un peu sceptique sur la tentative de Weber, en fait, ou l'idée de traduire, je ne suis pas germaniste, mais de traduire Herrschaft par domination, ça me crée quelques doutes. Parce que, en fait, si on prend les trois motifs de l'obéissance ou les assignations de la docilité chez Weber, en fait, ou la disposition à recevoir des commandements, on a à la fois quand même trois motifs fondamentaux qui sont effectivement le motif de l'habitude, le motif de l'intérêt. Il y a quand même un intérêt à l'obéissance. C'est pas seulement l'intérêt à l'obéissance, c'est pas seulement un intérêt en fait à ne pas subir le châtiment si on n'obéit pas. C'est un intérêt matériel satisfait dans le cas de l'obéissance. Et enfin, l'élément de légitimité. Et Weber va jusqu'à classer, d'ailleurs, quand il examine la domination légale rationnelle, le rapport entre le fonctionnaire et son administration, le fonctionnaire qui contracte librement avec son administration, sous le concept de Herrschaft. On a un peu l'impression, finalement, que traduire ça par domination, c'est peut-être un peu lourd, c'est un peu fort, et du coup, on sent que certains commentateurs weberiens, d'ailleurs, hésitent là-dessus. Je pense à Stéphane Kalberg, par exemple, je pense même à Saint-Omer, je pense même à Jean-Pierre Grossin, qui dit attention, Herrschaft, c'est plus neutre, en fait, que domination. Surtout qu'une large partie de la théorie sociale, en fait, quand elle emploie le concept de domination, insiste assez lourdement sur l'idée que, finalement, il y a domination, à la différence du pouvoir, d'ailleurs, mais il y a domination si on lèse les intérêts du dominé, dans la théorie féministe, Anne Cutt, par exemple, dans Analyzing Oppression, c'est très clair, c'est une lésion de l'intérêt des dominés. Wartenberg, dans sa théorie des formes de pouvoir, la domination, c'est léser l'intérêt des dominés. Stephen Lux, enfin bon, une large partie de la théorie sociale admet cette idée, finalement, que la domination se produit si et seulement si les intérêts sont lésés, ou certains d'entre eux, parce qu'il peut y avoir des échanges, en fait, on peut se soumettre pour satisfaire certains intérêts, mais d'autres sont néanmoins des intérêts lésés. Enfin, il y a au moins ce critère-là de la lésion des intérêts. Donc, si on admet qu'il y a un intérêt des dominés à obéir, et que cet intérêt n'est pas seulement d'éviter le châtiment, mais qu'il est satisfait par des avantages matériels, du coup, ça devient un peu compliqué, à mon avis, la position de Weber, hein, c'est pas la tienne, mais c'est la position de Weber qui devient assez complexe, finalement, dans sa conception de la domination. Donc ça va un peu dans le même sens. Et là, je me demande, du coup, si c'est pas quelque chose qui est plutôt entre le pouvoir et l'autorité, plus que la domination propre du terme. Si on regarde les textes, donc si on regarde le chapitre 3, hein, dans l'édition Plomb, la 71, page 287, hein, on voit que son ambition, c'est vraiment de rendre compte de toutes les formes de domination jusqu'à la situation de l'esclave. Donc c'est vraiment les formes les plus dures de domination, des formes les plus dures de la domination jusqu'aux formes les plus volontaires. Et il a assez lu Marx pour savoir que le fait que, qu'il y ait une acceptation formelle, hein, par exemple du salariat, ne remet absolument pas en cause le fait de la domination. Donc je lis un passage à 287. Donc il peut tout à fait y avoir consentement. Enfin, il peut y avoir consentement à la domination. À partir du moment où il y a consentement à la domination, il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de domination sans consentement. C'est ça la thèse. Donc il n'y a pas de... Donc, et pour qu'il y ait consentement, il faut un minimum de consentement, un minimum de volonté. Donc, pour qu'il y ait consentement, il faut quelque chose comme l'intérêt, il faut quelque chose comme un minimum de légitimité. Il parle de minimum hein, de volonté d'obéir. Donc, ça, c'est important pour tout ça. Donc, à mon avis, on est dans tout, sauf dans l'autorité au sens d'une... sauf dans le cas du charisme. Enfin, après, c'est ça, il y a cette typologie. Dans le cas du charisme, c'est vrai. Mais si... Ben oui, mais capacité à se faire obéir, j'ai intérêt à obéir parce que sinon je vais être sanctionné. Hein. L'intérêt, c'est très large. Hein. L'intérêt matériel à obéir, l'intérêt pour le salut, c'est quoi? C'est que sinon je vais être damné pour l'éternité. Hein. Mon intérêt de salut, c'est tout sauf. Et bien alors, si je lis là, ce petit passage, page 287, que l'obéissance soit formellement imposée en vertu de la discipline militaire ou qu'elle soit formellement volontaire. En vertu de la discipline d'atelier, ça ne change rien au fait que la discipline d'atelier elle-même correspond à une domination. Et ensuite, il explique qu'il y a différents degrés donc, de domination dans ce passage, et il conclut, il n'est pas jusqu'à la condition d'assujettissement qui puisse être acceptée et, dans certaines limites, annulée. La contrainte absolue n'existe que pour les esclaves. Donc il a une conception de la domination qui suppose un minimum de consentement, sauf dans le cas limite, qui est celui de l'esclavage. Et donc, on voit bien qu'il veut vraiment, proposer un concept qui soit assez... Enfin, c'est typiquement sa démarche dans la communauté. Des définitions formelles de ce concept qui ont vraiment le statut de type idéaux et qui donc peuvent être appliquées de façon... au moyen de spécifications à toutes sortes de phénomènes sociaux Oui, y compris alors l'autorité, il me semble que oui, dans l'autorité, ben, l'autorité, oui, enfin. Après, les fondements de la légitimité, c'est parce que la question de la légitimité, ben, voilà, c'est ça, il y a ces deux questions finalement. Dire qu'il y a une légitimité, c'est dire qu'une domination s'accompagne d'une certaine forme d'autorité. Donc sans doute que là, via la légitimité, mais seulement. Précisément, ça c'est qu'un seul des éléments hein, de sa théorie de la domination, enfin des facteurs de domination, il me semble. Enfin bon, c'est un peu troublant parce que dans le cas par exemple d'un rapport de travail contractuel, le cas qu'il prend sur le fonctionnaire et l'administration, par exemple, c'est très difficile de voir des éléments de domination là-dedans. Ah bon, c'est un libre contrat entre un fonctionnaire et son administration, ou même dit-il d'ailleurs entre le seigneur et le vassal, lorsque le vassal contracte librement avec son seigneur. Oui, d'accord, mais dans ce cas. Le vassal a intérêt à contracter avec le seigneur. Parce que tu penses que... Tu penses, oui, c'est une objection que tu lui adresses en disant qu'il a un concept trop formel pour, ouais, pour trop, être... trop large, en fait. Trop large et trop uniforme pour s'appliquer à tout... Ouais. Surtout pour ramasser tous ces rapports qui sont à la fois des vrais rapports de domination et de simples rapports de pouvoir. Mais toi, tu proposes... J'ai l'impression qu'il fait un peu comme Foucault, en fait. C'est-à-dire qu'il confond, il assimile pouvoir et domination. Je pense que toute forme de pouvoir, c'est une forme de domination. Si toute forme de domination est une forme de pouvoir... Toute forme de pouvoir est une forme de domination. Parce que toi, tu voudrais un concept normatif de domination. Tu voudrais, non, au sens où tu voudrais critère, que, en tout cas. Non, mais tu voudrais qu'on puisse dire que dès qu'il y a domination, ça doit pouvoir être critiqué. Et donc c'est ça qui te gêne. Et puis aussi, tu penses que la distinction, elle doit intervenir, elle doit faire intervenir des intérêts. Et on voit bien que lui, il veut pas, disons, présupposer une théorie des. Enfin, c'est quand même risqué de définir la domination par des intérêts, parce que ça suppose que quelqu'un puisse identifier quels sont les intérêts sociaux lésés, etc. Alors que là, donc de ce point de vue-là, sa définition, elle est très forte à mon avis, elle est indépassable, parce que c'est le seul moyen de donner une définition qui soit à la fois opératoire et suffisamment formelle hein, pour ne pas voir ses présuppositions contestées de différentes natures. Quoi. Parce que bon, c'est typiquement ça. Qu'est-ce qu'on va les objections, enfin certaines des objections qui sont adressées à Bourdieu dans sa théorie de la domination, c'est qu'il fait la métaphysique sociale, il présuppose comme ça qu'il y a que les groupes existeraient comme serait supposé comme on sait pas où, qu'ils se mobiliseraient, on sait pas comment, qu'ils agiraient sur les hiérarchies symboliques, on sait pas non plus comment, etc., etc. Bon. Si on part de... Mais par rapport à Foucault, oui, c'est ça, j'ai oublié. Un des éléments qui est intéressant quand même dans la définition foucaldienne, enfin, un point qu'on peut retenir aussi de la définition foucaldienne que je disais, c'est que Foucault n'est absolument pas intéressé par la théorie de la domination, puisque toute sa théorie consiste précisément à proposer une théorie du pouvoir dans laquelle on peut faire apparaître la réversibilité, la fluidité des relations de pouvoir. Et donc, dans ses textes, il dit explicitement, moi, le pouvoir, je ne m'en occupe pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir les différents textes où il parle de domination, je ne m'en occupe pas, moi, je fais la théorie du pouvoir en tant précisément qu'elle cesse de valoir pour ces états de domination, qu'il faut donc désigner par un concept spécifique, état de domination. Et alors, il y a d'autres, il varie beaucoup sur cette question, parce qu'il y a d'autres. Il y a d'autres passages. Voilà, alors ça, c'est fascinant, ça, justement, dans le sujet du pouvoir. Dans ce texte, d'ailleurs, ce texte que j'ai cité. Donc l'éthique du souci de soi, il dit, bon, j'ai beaucoup bougé sur cette question, maintenant je dirais les choses comme ça. Donc, mais dans le sujet de pouvoir, c'est encore mieux, parce que il distingue donc des luttes contre la domination, trois types de luttes, quel est le terme général. Donc on a tout d'abord les luttes contre la domination, d'autres contre l'exploitation et contre l'assujettissement. Et on comprend en fait que les luttes contre la domination, donc les luttes contre l'exploitation, c'est les luttes qui prédominaient au XIXe siècle. Donc il explique qu'elles sont elles dominent tantôt, parfois elles coexistent, mais il y en a toujours une qui domine par rapport aux autres. Donc les luttes contre l'exploitation, elles dominaient au XIXe siècle. Donc on comprend que les luttes contre la domination, qui renvoyaient à une période historique encore ultérieure, eh bien c'était des luttes contre la féodalité et pour l'égalité de droit. Donc là, on a un concept de domination. En fait, chaque fois qu'il parle de domination, c'est pour dire non, mais attention, moi je ne vais pas m'en occuper. Hein, alors il y a deux stratégies consiste soit à renvoyer la domination dans la préhistoire, hein, avant même la préhistoire de la modernité politique, tout en sachant que ce qui l'intéresse, c'est la contemporanéité des luttes contre l'assujettissement, et ou alors au contraire de dire bon bah c'est la forme cristallisée du pouvoir qui ne correspond plus à ma théorie du pouvoir. Je pense que c'est pour ça que vous avez fait ce séminaire sur la domination. C'est assez intéressant de voir comment finalement cette catégorie de domination est à la fois très présente dans la discussion et sous-théorisée. Et ensuite, quand on se pose la question de savoir par exemple, comment un auteur comme Foucault la théorise, on s'aperçoit que lui-même, il a mis en place différentes stratégies pour ne pas avoir à en parler, sans doute parce que c'était une catégorie qui lui semblait démonétisée, alors pourquoi? Parce qu'elle était sans doute trop utilisée à son époque, et donc on a affaire à ces types de disqualifications des signifiants qui ensuite sont assez difficiles qui produisent des effets de longue durée quoi, sur la discussion, parce que dès qu'un signifiant est disqualifié, ça devient difficile de chercher à s'interroger rationnellement sur ce qu'il peut signifier. Le thème de la domination est trop complexe, il devient nébuleuse. Il faut trouver des procédures intellectuelles pour avancer, il faut faire des typologies, des différenciations. Mais il n'est pas trop couru maintenant. Justement, c'est ça, on n'est plus dans cette situation. On s'est dit que ça existe aussi. Dans le discours académique, en tout cas. Non. Les tentatives de typologie, ça existe, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, simplement elles sont différenciées souvent. Elles prennent à la fois la coercition, l'exploitation, l'aliénation, la réification, etc. Elles déclinent souvent le concept de domination et chacune travaille dans un champ particulier pour définir. Donc il y a des efforts typologiques, en fait, avec des critères très précis d'ailleurs. On peut montrer que. Il suffit de voir la discussion sur la coercition aujourd'hui, on a un critère ultra précis sur la définition de la coercition, la manière dont ça se produit, le critère pour l'évaluer, les effets produits, les conditions dans lesquelles, est-ce qu'une offre coercitive, c'est la même chose qu'une coercition, est-ce que l'exploitation, c'est pareil qu'une offre coercitive, enfin, là, il y a tout un travail en fait, très précis, analytique en fait, de définition des conditions de la coercition, et c'est valable aussi pour l'aliénation, c'est valable aussi pour la réification, donc ça existe en fait dans le champ social. En tout cas, dans le champ philosophique, hein, peut-être que... Peut-être un peu moins sociaux, mais. La société anglaise, qui est plus dévariante que la française, de tradition, eux, ils vont directement sur le pouvoir. Il y a des typologies, ils peuvent être intéressants. Mais domination directement, je ne vois pas d'auteur associé. Alors un peu Bourdieu, mais dans le halo, vous avez. Oui, parce que en plus, bon, chez Bourdieu, il y a aussi un gros problème dans sa théorie de la domination, me semble-t-il, c'est qu'il a en fait, il pense deux choses différentes quand il pense à la domination. Il pense, par exemple, cette domination masculine, donc disons là, on est vraiment dans la théorie des rapports sociaux de domination, et puis il pense aussi la logique du champ, Parce que finalement, lorsqu'il fait de la reconnaissance, et là c'est complètement autre chose d'être un dominé, d'être dans une position dominante ou pas dans un champ. Les champs, ce sont les lieux où les dominants s'investissent, premièrement, et c'est là qu'on a cette logique vraiment de concurrence pour l'estime à l'intérieur d'un champ, hein, de lutte pour le capital symbolique. Par exemple, en quel sens on peut dire, enfin, il y a deux quand même conceptions assez différentes, hein, de la domination chez Bourdieu, et savoir comment elles sont articulées, c'est pas, et même dans quelle mesure on peut parler d'une autonomie du champ, enfin, c'est le post-scriptum le livre sur Flaubert, je vous le demande. Les règles de l'art. Les règles de l'art, hein, si je me souviens bien, c'est ce post-scriptum, ou cette post-fache, je ne sais plus, dans lequel il souligne qu'effectivement, en fait, ce qui se passe en dehors du champ a aussi la possibilité d'agir sur le champ. Ben, pourquoi est-ce qu'il y a tout d'un coup, je ne sais pas, un roman social qui va apparaître? Pourquoi dans le champ de la philosophie, tout d'un coup, les gens, ou dans la sociologie, les gens vont vouloir participer à la relance de la critique sociale? C'est parce qu'il y a des conflits sociaux très forts qui se développent en dehors de ce champ. Mais c'est cette domination, donc elle se joue, c'est autre chose d'être dans une position dominée en tant qu'universitaire, philosophe, par exemple, hein, philosophe universitaire blanc, bourgeois, européen et homme, et puis c'est autre chose que d'être dominé quand on est un ouvrier sans papier, c'est évident. Oui, Alexis. Une des choses qui me paraît moins intéressante quand même, sans revenir sur défendre Foucault et Weber, mais c'était parce que je voulais parler de cette question-là, celle de l'organisation. Il y a les rapports sociaux transversaux, habituels. Chez Weber, il y a ces choses quand même très intéressantes sur la manière dont les institutions, au fond, peuvent être des vecteurs pour accrocher domination et reconnaissance, au fond, avec différents types de rapports. Donc, il y a les institutions, et puis chez Foucault, il y a quand même ça aussi intéressant, qui est l'organisation pratique. Surveiller et punir, peut-être qu'il n'emploie pas évidemment domination, il décrit quand même des choses qui ressemblent, mais surtout, il y a cette question, laissons ça pouvoir domination là, il y a cette question de l'organisation pratique, des actions, des institutions. Et je voulais savoir, d'une part, si toi tu considères que la question de l'organisation des actions et institutionnelles et pratiques, mais est-ce que c'est quelque chose qui accroche en général reconnaissance et domination, puis ensuite il y a différents types de rapports, ce que tu as dit. Est-ce que tu penses que la question de l'organisation, elle est trop restreinte par rapport à la question des rapports sociaux transversaux en général? Voilà, comment tu ferais entrer cette question de l'organisation des actions, des actions pratiques, institutionnelles, dans ce que tu as présenté? Mais non, d'accord, tu as raison de rappeler que chez Foucault, il y a encore une troisième manière d'articuler sans doute pouvoir et domination qui renvoie à surveiller et punir. Et donc là, on verrait que les relations de domination, enfin là, il décrit des formes stabilisées de rapport de pouvoir, mais il cherche, donc ce qu'il va appeler domination, mais il cherche à montrer qu'elle repose sur des dispositifs ramifiés de relations de pouvoir. Oui, et ça, en fait, c'est typiquement, enfin, il a évolué. Quand on lit De Certeau, l'invention du quotidien, on a une critique de Foucault qui consiste à dire, non, mais Foucault, il ne voit pas que les relations de pouvoir sont susceptibles d'être réversibles, etc. Donc, en fait, après, Foucault prend la position de De Certeau, on pourrait dire. Mais donc, il abandonne cette position. Mais bon, mais ensuite, je pense qu'il faut faire attention, effectivement, quand on parle de domination, à ne pas... C'est pas parce qu'il y a une composante symbolique dans la domination, qui peut, ou une phase symbolique qui peut être décrite en termes de reconnaissance, que la domination se réduit à ça. Hein. Non, non, elle passe aussi par une organisation des actions. Ben voilà, par exemple, il n'y a pas que de l'évaluation sur les lieux de travail, il y a aussi des dispositifs de surveillance et de contrôle, des dispositifs techniques de structuration de l'activité. Ça joue tout autant dans la constitution. Donc moi, je continuerai à parler un peu weberien. Ça contribue tout autant que l'évaluation à la stabilisation, à la docilité, à la question de la docilité. Hein, je suis pris par le rythme. Marx dit dans le Capital, enfin, dans le chapitre inédit du Capital, dans le Capital, que la machine est un herr, est un maître, et le maître est le véritable maître de l'ouvrier. Pourquoi il obéit Pourquoi il fait du travail prescrit? Parce que pourquoi il obéit aux prescriptions? Pourquoi il suit les prescriptions? Ben, parce qu'il est obligé de suivre le rythme de la machine. Bon. Donc là, on a bien une conception des conditions techniques de la domination. Et donc, de même que le modèle, disons, que de même qu'on peut critiquer peut-être la conception weberienne parce qu'elle est trop interactionniste, au sens où elle pense que tout se joue dans l'interaction. Donc il y a des choses qui se jouent également en dehors de l'interaction, dans les rapports sociaux. Et puis il y a aussi il y a des choses qui se jouent aussi en deçà de l'interaction, dans les conditions matérielles de l'interaction, et ça peut être organisé évidemment par des relations de pouvoir, mais il n'y a pas à choisir entre ces approches, justement, il faut les articuler suivant que les situations qu'on analyse appellent cette mobilisation d'outils analytiques et descriptifs. Finalement, il ne fallait pas un peu les temporaliser, parce que la question qu'on se pose là, depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'il faut faire une hiérarchie finalement entre les différentes formes de domination, parce qu'elles sont plurielles. On peut imaginer que par exemple quand on passe à une forme contemporaine de management, on a joué aussi sur des attentes spécifiques de reconnaissance d'un modèle ancien dont on voulait s'échapper, chercher à s'émanciper, et en même temps on se retrouve un peu bloqué dans des phases de transition comme ça en termes de revendication, parce qu'on n'a plus de modèle auquel se référer. C'est-à-dire que la question entre reconnaissance et domination, à un moment donné, on n'a plus d'échappatoire. Quand la domination récupère les attentes antérieures et les inscrit dans le nouveau système de domination, on n'a plus véritablement de possibilité, ou en tout cas un monde imaginaire, pour essayer de comprendre à quoi on s'oppose dans la nouvelle contestation. Donc, je voulais savoir si cette typologie-là, qui avait été présentée, elle ne manquait pas un peu cette question dynamique des rapports entre reconnaissance et domination. Oui, mais c'est... Non, mais moi je suis tout à fait d'accord, quoi. Mais en même temps, non, elle ne manque pas, puisque précisément, une fois qu'on a distingué différents types de rapports possibles, reste à savoir la question se pose, qu'est-ce qu'on peut en faire pour analyser les situations actuelles et puis les évolutions. Bon, c'est un autre usage possible. Hein. Donc évidemment, ça serait absurde de dire qu'à tout moment, la reconnaissance donne son assise à la domination et la conteste. Hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. Au contraire, ça ne peut être que dans des... tout ça que je faisais allusion à des situations particulières ou des formes de violence, alors symbolique, disons, mais pas au sens de Bourdieu qui accompagne l'exercice du pouvoir, peuvent susciter des expériences négatives de non-reconnaissance qui elles-mêmes peuvent susciter un nouveau rapport pratique à ces institutions et également un nouveau rapport cognitif à la légitimité ou à la nécessité, à la naturalité de légitimité de ces institutions. Donc tout à fait d'accord avec toi. Alors après, bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aussi distinguer, du coup, si on veut penser en termes comme ça, en termes plus dynamiques, ou si on veut se demander quelle place, c'est une autre question finalement que je vais pas considérer, c'est vrai, quelle place les attentes de reconnaissance peuvent-elles jouer dans une transformation sociale? Mais là, il faudrait distinguer ce qui relève des attentes de reconnaissance et des demandes de reconnaissance. Hein. C'est dans le modèle honnêtien là, que je présuppose, même si j'en fais un usage un peu pas très orthodoxe. Quoi. Bon, c'est les attentes de reconnaissance doivent être distinguées des revendications de reconnaissance. Hein, il y a cette différence, par exemple, entre l'approche de Fraser et de Weber, c'est qu'elle entend par reconnaissance quelque chose qui renvoie à des revendications. Hein, il y a des revendications de reconnaissance. Mais ce n'est pas le cas chez Honneth. Hein. Chez Honneth, on parle d'attentes qui irriguent les interactions sociales et qui sont tacites. D'accord ? Et donc, en fait je ne sais pas forcément que je veux être reconnu par mon patron, par exemple, par la hiérarchie. Bon, je ne sais pas, mais ça joue sur mes interactions. Et après, ces attentes-là, dans certaines situations, donc, elles vont être déçues, et cette expérience de déception de ces attentes, une expérience donc, de non-reconnaissance, va être assez douloureuse pour induire un rapport, disons, réflexif à sa propre expérience, au lieu donc de passer de ces attentes tacites à une réflexion sur ce qui ne va pas, quoi. Pourquoi est-ce que je vis cette situation là, qui me déplaît tant, dans des sentiments, suite à des sentiments d'injustice ou d'humiliation. Alors là, après, il n'y a pas forcément... si des revendications, si j'arrive à me convaincre que j'ai raison de trouver anormal ce que je vis ou illégitime, alors je vais revendiquer quelque chose, peut-être, ou alors je vais simplement fuir la situation, ou alors me convaincre qu'il faut que je rentre dans le rang. Mais si je revendique quelque chose, je ne vais pas forcément revendiquer la reconnaissance, je vais simplement peut-être revendiquer la liberté ou la justice. Et donc là, on est, oui, enfin, là, c'est... Comment est-ce que la critique des situations sociales vécues sous le mode du cela va de soi dans le cours normal de l'interaction sociale et de l'expérience sociale, comment est-ce qu'elle se politise, comment est-ce que un regard critique apparaît, quel type de revendication ensuite peut en surgir. Bon, tout ça, c'est un programme qui est beaucoup trop vaste pour une simple théorie de la reconnaissance. Enfin, je veux dire, ça peut être... on peut penser certaines dynamiques de politisation de l'expérience à partir de là, mais pas une théorie de la transformation sociale à partir de là, à mon avis. Ça ne suffit pas. D'autres questions? Oui. Emmanuel, tu as distingué une approche micro Weber-Foucault, une approche macro Marx, Bourdieu, etc. Et tu as semblé dire à un moment que l'approche micro tournait vers une critique, était, disons, plus disponible pour la critique, et que l'approche macro se situait du côté de l'explication. Sans doute, en un certain sens. D'un autre côté, on peut considérer que l'entreprise critique de Marx, elle est peut-être d'abord macro, c'est critique de l'économie politique, consiste à dire que les rapports dans la société moderne ne sont pas finalement des rapports d'échange, mais des rapports d'exploitation, en théorie de plus-value, il y a toujours un clivage entre deux classes. Donc c'est critique sociale radicale sur la base d'une approche, on peut dire macro. Alors, bon, ça laisse ouvert le problème, comment à partir de là on rejoint un niveau micrologique. Et donc, ça ne veut pas dire que la solution de Marx nous donne toute clarté critique. Alors, du côté de Foucault, Foucault est bien sûr un critique social, mais en même temps, il a une ambition d'expliquer comment sont produits des sujets, entre guillemets, des subjectivités, des masses de sujets. Bon, mais finalement, il se réfère à des dispositifs institutionnels qui ne sont pas des structures, mais qui sont de sorte de choses qui sont difficilement, déductibles d'un nominalisme. Son explication, enfin son choix d'explication qui passe par pouvoir plutôt que par domination, dont tu as parlé, je crois, très, très, très, très justement, j'ai le sentiment qu'il est moins tourné contre Weber contre quoi se tourne assez généralement Foucault, contre ce qu'il considère la théorie sociale dominante dont il veut faire la critique, c'est-à-dire le marxisme qui analyse la société moderne sous forme de classe dominante, classe dominée, donc dans les termes de la domination. Et il me semble que s'il passe de domination, ce n'est plus peut-être pas le problème, mais s'il passe de pouvoir, de domination à pouvoir, c'est parce qu'il entend bien que le pouvoir est productif. Il le montre dans sa critique de la sexualité, etc., ou ce qui a pu apparaître comme répression est en fait production. Et donc il le montre aussi dans « Surveiller et punir ». Et c'est quand même la thèse la plus fondamentale de ces cours de 78-79. Alors, évidemment, ce pouvoir, il est productif, et en outre, il produit si bien qu'il est résistible, pas totalement étranger au schème de Hegel, sous une autre forme. Alors, le problème qui reste quand même, c'est que le pouvoir n'est pas domination, mais d'en haut, il s'exerce comme pouvoir, et d'en bas, il lui résiste. C'est-à-dire, d'en haut, on a des stratégies, et en bas, on a des résistances. Alors, est-ce que c'est une critique suffisante? Voilà, donc pour moi, la question reste un peu toujours posée. Comment penser la relation entre ces termes de micro et de macro d'une manière à la fois, de manière que l'explication soit suffisante et la critique aussi. Oui. Non, en fait, je voulais pas dire que d'un côté on avait un concept critique, de l'autre côté explicatif, c'était descriptif dans un côté, il y a une dimension descriptive. Ouais, j'ai un peu poussé là. Non, mais il me semble que Marx veut articuler les deux niveaux d'analyse, hein, ouais. Puisque, enfin, on voit bien qu'en tout cas, il pense la politisation à partir de l'usine, quoi, à partir de la condition, de l'expérience de la subordination et de la discipline de fabrique. Hein, à partir de la lutte pour le salaire, et il a cette idée que, la manière dont on fait l'expérience de la domination dans l'usine, enfin dans la grande industrie, est connotée finalement de tous ces processus sociaux qui nous contraignent à accepter cette expérience, donc là qui renvoie vraiment à ce rapport social entre possesseurs de capitaux et travailleurs dépossédés des capitaux n'ayant que leur force de travail, et que donc en résistant contre, au sein pour ainsi dire de la relation de domination, eh bien on résiste aussi, ou on peut en venir également à mettre en cause l'ensemble des processus qui nous condamnent à cette relation. Donc il me semble qu'il y a vraiment, enfin, il y a des raisons de penser que sa conception de la domination articule, enfin, de point de vue essentiel, hein, et dans ses intentions fondamentales, qu'à mesure où ses intentions sont politiques, notamment, et si ce n'est principalement, articule les deux niveaux de thématisation de la domination. Pour ce qui est de Foucault, bon, moi ce que je trouve intéressant, bon, c'est comme tu le dis, oui, effectivement, Foucault cherche à montrer que le pouvoir est productif, que le pouvoir produit des résistances, que tout pouvoir produit des résistances, et c'est un énoncé qui, pour lui-même, hein, enfin on le voit dans les derniers textes, est faux, parce que tout pouvoir ne produit pas des résistances, parce qu'il y a des formes de relations de pouvoir qui sont stabilisées. Et donc, après, la question, c'est... Enfin, là, si on prend le débat comme ça, on tombe vraiment sous la forme dans laquelle il se développe de façon complètement stérile, me semble-t-il. Comme si, d'un côté, il y avait des théoriciens de la domination qui diraient, bon, regardez, Foucault ne rend pas compte du fait qu'il y a de la stabilité, et ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi le pouvoir est stable, et donc il faut une théorie de la domination pour le faire. Et d'un autre côté, oui, mais si vous voulez faire une théorie de la domination, alors vous présupposez, eh bien, que tout est domination, et qu'on ne peut pas résister à la domination, comme si le concept de résistance ne s'était pas employé jusqu'à une date récente par rapport à la domination d'un point de vue politique, dans le cadre de critique de la domination plutôt que dans un autre cadre. Bon. Donc non, il faut sans doute effectivement rendre compte des deux à la fois, c'est-à-dire du fait que la domination c'est plus qu'une simple relation de pouvoir qui est réversible à tout moment, hein, et c'est bien ce que dit Foucault, mais Foucault dit c'est pour ça que je veux pas en parler, et c'est là que c'est problématique. Mais il faut montrer aussi que la domination, néanmoins, eh bien, n'est pas comme Foucault le croit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas quelque chose de purement stabilisé qui ne serait pas susceptible aussi de produire des résistances. Donc pourquoi pas penser la domination à partir de Foucault, mais dans ces cas-là, il faudrait la penser à partir de Foucault et pas faire comme Foucault lorsqu'il dit non, mais je ne veux pas en parler parce que c'est en dehors du dispositif. Donc il faudrait donc il faut trouver un moyen de sortir de débat stérile de ceux qui pensent que le débat stérile qui est basé sur l'hypothèse que s'il y a de la domination, alors il ne peut pas y avoir de résistance sur la domination. Ça, c'est malheureusement une sorte de présupposé de discussion, d'un grand nombre de discussions sociologiques contemporaines, puisque, disons en gros, Boltanski a dit, voilà, on ne peut pas rendre compte avec le paradigme bourdieusien du fait que les acteurs ont des compétences critiques et qu'ils peuvent critiquer la domination, et les bourdieusiens disent, oui, mais on ne peut pas rendre compte avec Boltanski du fait que c'est très rare qu'on critique la domination, et c'est très rare que l'on résiste à la domination. Les deux thèses sont justes. Mais donc, on ne peut pas se contenter de... On ne peut pas structurer le débat à partir de deux thèses qui sont justes. C'est-à-dire que les deux positions sont fausses. C'est une partition, aussi. Comment ? C'est une partition. C'est une manière de se répartir le champ de la critique. Bah oui, mais... Les intérêts académiques et beaucoup. Oui, bien sûr. Non, mais oui, mais c'est aussi parce que c'est difficile quand on, quand on pense à domination à partir d'un concept. Du coup, c'est difficile de changer. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est aussi, on peut tout à fait comprendre, quelqu'un qui est engagé dans un programme de recherche, il donne un certain sens à un concept, il a du mal à se mettre à penser autrement avec le même concept. Bon, c'est, pour la socialisation dans le monde de la recherche et obéit aux mêmes lois que socialisation dans le monde social. S'il n'y a pas d'autres questions, je veux bien poser une. Oui, pour revenir un peu à la manière dont tu as présenté les quatre modèles qui coexistent en fait et qui chacun dispose en fait d'une capacité herméneutique, d'une capacité explicative, j'ai eu un peu l'impression que tu les mettais sur le même plan dans l'exposé, mais je me demande en fait si à la fois l'exposé, à la fois le cours de la discussion montre pas qu'il y a peut-être une sorte de hiérarchie dans les modèles en fait et qu'il y a peut-être un choix implicite de ta part ou que tu peux expliciter d'ailleurs, à savoir est-ce que finalement il n'y a pas une sorte de distance pour finir avec le modèle hegelien lui-même quand on prend les choses assez clairement au fond. Si on met les choses à plat, ce qui semble caractériser quand même le modèle hegelien, c'est le fait qu'il y a une sorte d'autonomie des processus de reconnaissance qui va jusqu'au fait que finalement, même la relation servile, la relation de dépendance économique de l'esclave par rapport au maître, en fait, c'est une relation qui dépend d'un conflit de reconnaissance perdu au fond, et que la reconnaissance est première par rapport à la subordination dans les rapports de travail. Donc il faudra un très très long processus finalement pour que le serviteur réussisse en fait en s'extériorisant dans la matière qu'il transforme, en se reprenant lui-même, en se retrouvant, etc., en passant donc par la dure loi de la servitude, d'arriver à reconquérir en fait des formes de demande de reconnaissance par rapport au maître. Mais là il y a une sorte de présupposé ou de postulat finalement d'une autonomie de reconnaissance par rapport à l'ensemble des processus qui sont les processus plus structurels que tu soulignais dans la première partie de la conférence en montrant que c'est là le véritable modèle explicatif. Donc si on prend ça au sérieux, du coup, ça veut dire qu'en réalité, il ne pourrait pas y avoir véritablement d'autonomie des processus de reconnaissance par rapport aux structures sociales, par rapport aux hiérarchies, par rapport aux formes d'organisation, c'est-à-dire par rapport à tout l'aspect matériel dans lequel elles sont prises, au fond. Il y aurait peut-être une illusion ou en tout cas quelque chose d'un peu compliqué à vouloir penser une sorte d'autonomie des demandes de reconnaissance, des attentes de reconnaissance et même des conflits de reconnaissance indépendamment des formes de transformation matérielle de l'ensemble des rapports sociaux, hiérarchiques ou produisant des effets de domination qui sont cristallisés à la fois dans des appareils, que ce soit l'usine, que ce soit la prison, que ce soit l'hôpital, que ce soit enfin tous les appareils sociaux, institutionnels ou autres, en fait, qui sont des vecteurs porteurs de relations de reconnaissance dans lesquelles elles sont incrustées. Donc du coup, est-ce que finalement, ce que tu dis n'est pas une sorte de prise de distance un peu avec une manière d'autonomiser ou de trop autonomiser finalement les rapports de reconnaissance, comme si ils pouvaient être à la fois demandés et distribués indépendamment finalement de leur base matérielle. Et j'allais dire, allez, le dernier acte, ce serait de dire au fond, il en va de la question de la reconnaissance comme de la question de la relative autonomie du politique au sein de la tradition marxiste en fait. On dit c'est une autonomie mais relative, enfin, c'est-à-dire qu'elle doit dépendre finalement de l'ensemble des structures dans lesquelles elle est prise et on ne peut pas la concevoir indépendamment de ça. Donc est-ce que c'est une position que tu défendrais ça? Enfin, il y a deux questions. Il y a une question, disons, générale sur l'autonomie de la reconnaissance, puis une question sur Hegel. Donc c'est compliqué pour s'agissant de Hegel, puisque dans ce chapitre, en fait, il explique, il commence par présenter ce qu'il appelle le pur concept de la reconnaissance. Et donc c'est simplement un concept normatif de ce que la reconnaissance doit être pour être satisfaisante. Et là, ça renvoie à des relations de symétrie, en définitive, entre c'est simplement la norme de la reconnaissance satisfaisante comme une reconnaissance réciproque. Bon. Et ensuite, il explique, il en vient à thématiser une forme de recherche de reconnaissance qui est absolument incapable de satisfaire aucune de ses exigences. Donc c'est la lutte à mort, et ensuite une autre forme, la relation qui elle-même est totalement insatisfaisante. Et tout ça, il le présente comme finalement des façons de rechercher la reconnaissance dans une sorte de situation pré-sociale. Donc en fait, c'est une critique. Là, il fait une critique de ce que la reconnaissance ne doit pas être, en gros. Et donc, c'est difficile de savoir ce que pour lui réellement. Qu'est-ce qu'elle devrait. Et donc, il n'explique pas comment est-ce que ses attentes pourraient être satisfaites, alors que même qu'il exige, semble-t-il, qu'elle le soit. Et c'est manifestement pourquoi il le fait pas, parce que il est persuadé que ses attentes ne peuvent pas être satisfaites sans médiation institutionnelle, enfin en dehors d'un esprit objectif. Et donc il défend une thèse qu'on pourrait rapprocher de celle de Bourdieu, en un sens, au sens où ça reviendrait à dire que d'un côté, il y a une recherche de reconnaissance fondamentale qui est structurante de l'esprit objectif, donc il vient de présenter l'esprit comme un moi qui a un nous et un nous qui a un moi. Boum, il explique ensuite, voilà, ça c'est être reconnu par une autre conscience de soi, et ensuite, donc qu'est-ce que c'est que cette reconnaissance satisfaisante. Donc on peut lui attribuer la thèse suivant laquelle la socialité fondamentalement renvoie à des rapports intersubjectifs de reconnaissance. Mais elle renvoie aussi à des institutions, ou plutôt une société c'est aussi un ensemble d'institutions, et c'est simplement un agencement rationnel d'institutions qui va rendre possible une reconnaissance. Donc si on admet, donc il y a sans doute un institutionnalisme fort chez Hegel, hein, pour reprendre comme le dit Kerrigan. Et donc de ce point de vue-là, la reconnaissance aussi, elle ne peut pas être satisfaite sans être institutionnalisée. Après, on peut se demander, est-ce que il y a déjà des traces de cela dans ce chapitre 4. Et donc là, ça va nous renvoyer à la question du travail, à la question du rapport avec l'environnement naturel, puisque en fait, cette reconnaissance, là, ce chapitre sur la reconnaissance, il est encadré par deux types de relations à l'environnement, celle du désir qui consomme les biens naturels et celle du travail qui les transforme. Et si on regarde la réelle philosophie d'Iéna, on s'aperçoit qu'il pense ici, fondamentalement, dans cette lutte à mort, le duel, quelque chose qui renvoie bien à la lutte symbolique. Donc là, on pourrait dire, les luttes symboliques, est-ce qu'elles sont, hein, si on veut continuer à reformuler, est-ce qu'elles sont autonomes ou pas? Mais ce duel, il est présenté comme résultant d'une lésion de la propriété. C'est parce qu'on lèse ma propriété que je lance un duel. Ce qui est quand même une conception assez particulière du duel. Et donc là, on pourrait dire, bon voilà, ces luttes donc symboliques, elles ont aussi un ancrage ou bien matériel, si on pense que la propriété, ça renvoie à la possession, ou bien juridique, si on pense que ça renvoie à un droit qui est revendiqué. Mais là, on fait des reconstructions. Bon, de toute manière, ces passages sont complètement sibyllins et ils ont été commentés 100 000 fois parce qu'ils peuvent l'être effectivement de toutes sortes de manières. Et après, si en plus on veut le reconstruire d'un point de vue de théorie sociale, alors là, on se donne effectivement la possibilité de développer toutes sortes de discussions sans beaucoup d'appui textuel, et enfin, en tout cas, de moyens de trancher entre les interprétations. Mais sinon, oui, je pense que. Enfin, moi, j'aurais tendance à insister justement sur ces médiations de la reconnaissance et du travail, de la reconnaissance et du bildung, de la bildung, donc transformation d'une nature en seconde nature, hein, qui est le travail pour Hegel, donc au point de vue de Hegel, qui est le travail de l'histoire et des institutions en tant qu'elles produisent une seconde nature. Et donc j'aurais tendance à dire que déjà dans ce chapitre 4a, il y a des éléments, hein, qui donnent à penser que Hegel veut montrer que la seule moyen de satisfaire ces attentes de reconnaissance, c'est qu'elles soient transformées par les institutions. D'autres questions? On a épuisé le champ de la discussion. Oui, encore une, allez, encore une. Une dernière question. Plutôt que poser la question des bases matérielles de la reconnaissance, qui suppose la reconnaissance sur un travail, avec votre typologie et la discussion, ce sont les lieux de la reconnaissance. Le conflit, parce que quand on est de part, il est obligé de dire le domaine de justesse, c'est l'association. Comment l'enfant apprend, les relations intersubjectives, complètement du pouvoir, de la parole, du moi et du surmoi. D'emblée, c'est la question du domaine, du lieu, où se développe la scène, l'action, l'interaction, la politique des rôles. Est-ce qu'on pourrait gagner? Là, il faudrait distinguer justement ce qui relève de la reconnaissance tacite, hein, qui est obtenue sans qu'elle fasse problème, d'accord. Donc par exemple, c'est typiquement les rôles, enfin, sauf dans les situations justement où on est obligé de rentrer dans des processus de sauvetage de face ou de maintien, bon, d'interaction, mais disons. Et puis distinguer donc tout ce qui relève des attentes de reconnaissance tacite dans les interactions, sur toutes les scènes sociale, hein, dans toutes les interactions possibles, enfin si on prend l'hypothèse de Honneth. Et puis il faudrait distinguer donc cette question, la question des demandes de reconnaissance explicite. Et donc là ça va prendre encore autre chose, dans des situations justement où elle ne va plus de soi, et donc il faut qu'elle soit l'objet d'une revendication spécifique, pas forcément politique, une demande simplement, une demande, ça peut être des expériences dans des interactions ordinaires, enfin conflictuelles, ou alors sous une forme de revendication collective. La revendication de respect, par exemple, c'est quelque chose qui n'arrive pas respectez-moi, monsieur, bon, ça ne va pas arriver très souvent, ça. C'est une demande de reconnaissance, dimension revendicative, c'est pas non plus une revendication collective. Bien, écoutez, merci, on a atteint notre limite temporelle, donc merci beaucoup à Emmanuel pour cette conférence. Je rappelle que la prochaine sera celle de Sophie Bérou, sociologue, donc sur la question des conflits cette fois-ci. Voilà, donc on vous dit merci. Pardon ? Oui ? Conflit du travail, oui. Oui, autour de ça, oui. Non mais je n'avais pas le titre en tête. Voilà, donc merci, à la prochaine fois. Thank you.